Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast des Nerds Cinéphiles, le podcast Movies Nerd. Pour rappel, c'est l'émission mensuelle où nous nous retrouvons entre passionnés de cinéma pour parler et donner nos avis sur différents films que l'on a pu voir durant le mois passé. Vous écoutez en ce moment l'épisode numéro 21, enregistré le 4 décembre 2015. Je m'appelle Axel et je suis un des hôtes durant ce podcast, mais je ne suis pas seul à la présentation, car j'ai avec moi deux membres de mon équipe habituelle, en commençant par Morgane. Salut. Bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu ? Mieux. Désolé de vous avoir posé un lapin la dernière fois. C'est pas grave, on a eu des gros problèmes d'enregistrement comme on l'a dit. Donc, ouais, c'est ce que j'ai cru comprendre. Mais bravo à vous parce que le podcast était formidable. Et vous avez vraiment réussi à combattre les bugs, donc bravo. Ça s'est pas fait ressentir en tout cas, tenez à le dire. Qu'est-ce que vous avez galéré ? Ouais, on a bien galéré, ça on peut vous l'assurer. Et le troisième membre de l'équipe, Eddy, salut, ça va ? Salut, ça va, oui. Donc après une émission du mois dernier qui était un peu spéciale avec deux films du mois, on retrouve une formule un peu plus classique ce mois-ci. Ma petite question habituelle avant de commencer le sommaire, est-ce que votre mois a été chargé en film ce mois-ci ? Non. Non, pas du tout. Bah, j'en ai vu que deux, donc... Ouais. Je sais que Morgane a vu pas mal de films et que... J'en ai aimé aucun, à part un. Il est un peu ronchon. Ouais, à part un et encore. Ce qui est sûr, c'est que ça va vraiment être le podcast où Morgane et moi, on est complètement en désaccord, je pense. Ah bon ? Ah mais oui, et moi ça va être la seule fois parce que j'ai remarqué que je faisais jamais de coup de gueule et là je vais passer pour un vieux con parce que je n'aime rien à part à part un film, mais sinon voilà. Ouais, d'accord. Bah du coup on va passer maintenant au sommaire de l'émission. On commencera avec un vidéo club Movies Nerd sur le film Lao. Ensuite on aura nos coups de cœur, coup de gueule et découvertes. Puis le film du mois sera Le Voyage d'Arlo, et ensuite on aura la recommandation pas très recommandable. Il y a deux mois, donc puisqu'on l'avait pas fait le mois dernier, Morgane avait proposé La Boîte, un film français qui est, vous verrez, palpitant. Et donc on va vous en parler avec Eddy, qu'il avait vu depuis, enfin qu'il avait vu il y a un petit moment, mais bon, je pense que t'en as des souvenirs. Oui, voilà. Et du coup moi je proposerai ensuite un film. Je serai un peu moins méchant que Morgane. Je ferai quand même je proposerai un film qui est pas si mauvais que ça, mais qui est quand même... C'est exactement ce que j'ai fait, c'est pas ma faute si vous n'aimez pas les choses drôles. Non, parce que c'est pas drôle. Ouais, bon, on en reparlera. On en reparlera à la fin de cette émission. D'ici là, on va passer tout de suite au Vidéoclub Movies Nerd. Donc on est à la première rubrique de cette émission, le Vidéo Club Movies Nerd, où on parle du film Lao, qui a été réalisé par Bob Peterson et Pete Docter. C'est écrit D-O-C-T-E-R, hein, pas comme un docteur. Donc qui est sorti en France le 13 mai. J'ai coupé pour pas que Morgane fasse sa blague. Sorti en France le 13 mai 2009 et aux États-Unis le 16 mai 2009. On retrouve au casting, donc tout comme c'est un dessin animé, un dessin animé. Martin Scorsese. Enfin, un film d'animation. Non. Et il ressemble quand même. Un petit peu. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Charles Aznavour, donc, si tu parlais pour la version française. Donc je vais commencer avec la version française, donc Charles Aznavour qu'on trouve pour le rôle principal. Ensuite Guillaume Lebon, Emmanuel Garrigeau, Jean-Claude Donda, Thierry Desroses, et puis après il y a plein de petits rôles. Thierry Desroses, c'est celui qui joue, c'est le doubleur VF de Samuel L. Jackson. D'accord. Et en VO, puisque je l'ai vu en VO, je crois que je suis le seul à avoir vu en VO. Edward Asner, Christopher Plummer, Bob Peterson, qui est le réalisateur d'ailleurs, et Delroy Lindo. Et ensuite, il y a plein de petits personnages secondaires, mais c'est pas, on s'intéresse plus aux personnages principaux. Donc, je vais peut-être commencer avec Eddy. Je crois que tu l'as revu cet après-midi, je suis pas sûr. Oui, c'est ça. j'ai cru voir sur Sens Critique. Oui, je l'ai revu. Ouais, moi je l'ai vu avant-hier, donc je te laisse commencer. Donc là-haut, du coup, Moi, je l'ai revu cet après-midi, oui. Et en fait, je m'en rappelais, mais... je m'en rappelais dans les grandes lignes, mais je l'avais vu qu'une fois. Ouais, mais moi, c'est pareil. Je l'avais vu qu'une fois. Je me rappelais surtout de toute l'ouverture du film, qui est vraiment très bien. Ouais. Et je me rappelais un petit peu moins après de tout ce qui s'ensuit dans les grandes lignes. Mmh. Donc, ce qu'on peut dire déjà, enfin pour moi en tout cas, c'est que visuellement, pour moi, c'est une prouesse. Mmh. Parce que franchement, voilà, il y a vraiment plein de détails et plein de... C'est vraiment du Pixar en grande forme pour l'animation du coup. Mmh. Après, là où je trouve le film vraiment intéressant quand même, c'est au niveau des thématiques, surtout. Ouais. Et ce qui est un peu déroutant, je pense, pour les enfants, c'est que du coup, c'est pas forcément un film qui est très écrit pour les enfants, même si ça a beau être plein de couleurs, et puis certains personnages sont des chiens, tout ça, enfin, il y a un rapport quand même à tout ce qui est gimmick de film enfant, mais avec des thématiques beaucoup plus adultes, ouais. Qui, moi, me plaisent beaucoup, parce que sont racontées quand même avec beaucoup de justesse, je trouve. Oui. C'est vrai que c'est pas évident de parler de la mort, du deuil, l'amour, la compassion, l'amitié, tout ça, aux enfants. Et en fait, là où ça devient vraiment un vrai film familial, c'est que là-haut, je trouve que la manière dont c'est raconté et la manière dont c'est amené, c'est qu'en fait, le film donne vraiment toutes les clés aux parents pour qu'après, ça soit plus facile de discuter de ça avec les enfants, de leur expliquer tout ça. Donc, je trouve que c'est bien. Sans ça, je trouve que l'écriture, elle est assez riche et puis habile, du coup. Donc voilà, moi, c'est surtout ça. Après, le film est drôle, il y a plein de bonnes choses, il y a une bonne mise en scène, visuellement, c'est ce que je disais, c'est très bien. Toute l'animation autour des ballons, tout ça, ça rend bien. Donc non, c'est un bon film. Moi, je pense que c'est vraiment un des meilleurs Pixar. Ouais. Des meilleurs récents Pixar, parce que maintenant... Toy Story a déjà 20 ans, donc il commence à y avoir plusieurs générations de Pixar, en fait. Donc là, dans les dernières sorties, celui-là est 2009. Ouais. C'est un bon Pixar, un grand cru, je pense. Oui, c'est un très bon Pixar. Peut-être laisser parler Morgane, qui est peut-être un peu moins convaincu par le film. Je déteste pas le film, franchement. Je partage tout ce qui a été dit. Je le partage vraiment. Donc peut-être que, objectivement, je reconnais que c'est un film qui est super. Là où le film m'a moins captivé, c'est que... alors, Pixar, vous savez qu'ils sont très forts pour faire des courts-métrages absolument magnifiques. Et ben, je trouve que la scène d'intro aurait pu faire un magnifique court-métrage et on aurait pu s'en tenir là. Parce que j'ai rarement vu chez Pixar une décharge d'émotions aussi pure, aussi subtile, et franchement, j'avais les larmes pendant cette séquence. Oui, maintenant, ce qui me plaît moins, c'est la partie voyage initiatique, vraiment conventionnel, avec l'apparition du personnage agaçant qui s'appelle Russell, je crois. C'est qui le chien? Non, c'est le petit garçon. Le petit garçon un peu en regard là. Russell. Oui, c'est vrai qu'il a un bon chien, c'est vrai. Le chien, c'est Doug. C'est Doug. Ouais, Doug. Ouais. Voilà, toute la partie avec le petit garçon, le côté voilà, voyage initiatique, les personnages étaient un tout petit peu conventionnels. Je trouvais qu'il y avait une âme vraiment dans dans la première scène d'intro. Les personnages sont pas c'est des personnages assez lisses, en fait. C'est tout ce qui est en orbite autour d'eux qui est intéressant, je trouve. Oui, mais le problème, c'est que j'ai vraiment besoin de m'attacher au personnage, et là je me suis pas vraiment, enfin honnêtement, dans la première scène, oui, vraiment là, quand tu voilà, parler de la mort, en plus c'est frontal, hein, et avec beaucoup des contrastes. C'est quasiment un film un film muet. C'est rare de voir dans des dessins animés comme des scènes d'hôpital avec des mauvaises nouvelles, des choses comme ça. Donc, ça a tout d'un film dramatique, en fait, au début, surtout. Oui, c'est hyper ambitieux, formellement et visuellement, le film, il est dingue. Je trouve que la scène où la maison s'envole, c'est vraiment beau. Mais je sais pas pourquoi, mais personnellement, le film, je l'ai pas trouvé captivant. La scène de fin, je l'ai trouvé un peu, je trouvais que c'est pas simple, c'est qu'il m'avait vraiment laissé sur ma faim. Je l'ai vu qu'une fois, mais je m'en souviens parfaitement. Je devais le revoir, mais j'ai pas eu le temps, du coup. Je déteste pas le film, mais je trouve que c'est pas, je trouve un poil surestimé. C'est pas le Pixar qui va me rester en mémoire. Je trouve que pour le coup, Pixar avait vraiment tapé très fort l'an d'après, en 2010, avec Toy Story 3, où là, ça poussait à fond, la nostalgie, enfin, c'était vraiment les thématiques qui me touche plus personnellement. Là, là-haut, bon, voilà. Après, ce qu'ils font dans Toy Story 3, c'est des personnages que tu connais déjà. Que je connais déjà, ouais. Et que j'adorais étant petit, donc il y avait un peu le rapport nostalgique et je m'y retrouvais. Que là, honnêtement, là-haut, je reconnais la qualité du film. Voilà, c'est contrairement à un autre film dont on va parler après. C'est un super film, je le conseille, mais moi personnellement, je pense que je suis passé à côté. Mais je suis honnête envers moi-même, honnêtement, je reconnais que c'est super, mais. Mais je pense qu'il faut que tu le vois. Ouais, j'ai pas eu le temps, mais c'est super, mais moi je suis passé à côté. Voilà. D'accord, parce que donc moi je l'avais vu vraiment, mais j'avais des vagues souvenirs de la trame à peu près, mais c'est pour ça que c'était intéressant d'en parler plus que Nemo ou compagnie. C'est vrai que Nemo se rapproche beaucoup dans la thématique. Nemo se rapproche beaucoup du Voyage d'Arlo, donc on aurait pu parler de Nemo, mais c'est vrai que Nemo c'est un Pixar que tout le monde a en tête. Voilà. Oui, et puis Nemo va en parler l'année prochaine de toute façon. Voilà. On risque d'en parler l'année prochaine, donc voilà. Donc là-haut, c'était intéressant, ouais. Quoi. Et puis en plus, j'étais content de le redécouvrir du coup parce que il m'a beaucoup plus marqué que la première fois. C'est vraiment un film. Déjà au niveau de la réal, c'est quasiment parfait. J'adore le design cartoon en fait, et même toute l'ambiance cartoon. Il y a vraiment une ambiance dans le film qui est très burlesque. Et très cartoon, toute je la trouve. Scène du début, dans toute la scène avec les chiens qui suivent Kevin, c'est Coyote et Bip Bip, hein. Ça fait vraiment ça. Hein. Et puis j'étais plié de rire à plusieurs reprises, vraiment, parce que c'était un des seuls Pixar qui m'a vraiment fait rire à ce point-là, quoi. Mais vraiment, je pouvais même plus regarder le film, j'ai dû mettre pause parce que j'en pouvais plus. Ah oui. Avec le chien qui Écureuil, ouais, en français, mais parce que en anglais c'était squirrel, donc tu vois. non, mais désolé, mais c'est juste que j'avais pas. Je voulais pas le dire c'est parce que plus j'avais peur de me tromper. C'est plus classe de dire squirrel que écureuil, voilà. Non, mais j'avais peur de me tromper parce que peut-être qu'ils l'ont traduit autrement en version française, donc non, je sais non, pas. Écureuil. Mais d'accord, ok. Donc ça, j'étais plié, à chaque fois. Et le, on s'attache à tous les personnages, moi je trouve. Toute cette petite bande qui se compose du vieux monsieur, du garçon qui veut absolument aider ce vieux monsieur à. Enfin, j'ai pas envie de spoiler le film, même s'il est déjà assez vieux, mais il y a quand même des choses que j'ai pas envie de spoiler si certains l'ont pas vu. Puis c'est cet oiseau et ce chien, voilà, toute cette petite bande de quatre personnages m'a vraiment touché. Et puis aussi la première partie est excellente, mais je trouve que la deuxième. Même la fin où y a toute une scène avec la maison à la fin où le personnage est amené vraiment à accepter. Quelque chose, et je trouve que c'est vachement, c'est classique, oui, mais c'est tellement bien, mais c'est vraiment fort, tellement bien amené, comme puis du c'est coup présenté, ça résonne vraiment avec le début, donc ça m'a touché. Ouais, il y a vraiment des thématiques fortes, et je trouve encore plus dans la deuxième partie que dans la première, même si la première, je dis que c'est une très bonne première partie, j'ai adoré, mais pour moi, la deuxième, c'est sûr que c'est beaucoup plus marrant dans dans la deuxième partie, donc du coup, c'est peut-être pour ça que ça m'a plus marqué, mais... c'est aussi les thématiques sont vraiment fortes et c'est très émotionnel. Moi j'ai beaucoup pleuré devant ce film parce que quand je le regardais, je me disais j'ai eu une pensée en fait, je me disais que Spielberg aurait pu réaliser ce film en prise de vue réelle, parce qu'il y a vraiment des thématiques que j'ai, et puis même la manière de filmer dans l'action et tout ça, il y a des petites traces de Spielberg que j'ai retrouvées dans ce film, donc du coup voilà. Après la musique, je les trouve. C'est Giacchino. Hein. Voilà, c'est Giacchino, donc du coup. Je l'ai découvert au générique et pendant le film, ça m'a fait tilt. Parce que, du coup, mais moi aussi, c'est ça. C'est un compositeur que j'écoute plus maintenant depuis quelques films. Pas depuis Jurassic World. Oui, mais même depuis avant. Ouais, je suis en train de me refaire les Lost en ce moment, mais. Oui, c'est vrai. Magnifique, la bande originale de Lost, mais Giacchino, merci quoi. D'ailleurs, il revient pour les Indestructibles 2, d'ailleurs. C'est lui, les Indestructibles, Et du coup, j'ai vraiment adoré ce film. C'est un de mes Pixar préférés maintenant, puisque je. Mais en fait, c'est bizarre de dire à chaque fois c'est un de mes Pixar préférés. Parce qu'en fait, j'ai remarqué à chaque fois qu'on voit un Pixar, c'est un de nos préférés. Oui, mais c'est un peu dur de choisir avec tant de bons films, du coup. Mais moi, j'ai vraiment adoré ce film et je le conseille vraiment à ceux qui l'ont pas encore Je vu. comprends, honnêtement, même si j'ai dit que j'étais un peu passé à côté en matière d'émotion, en tout cas dans l'autre partie du film qui m'intéresse moins, je conçois totalement qu'on puisse dire que Mais tu t'es marré quand Ah même. oui, Enfin, mais ouais. pas, je me suis pas bidonné non plus, j'ai souri. Non mais écureuil, mais c'était trop marrant. C'est Ouais, con, mais ouais, ça me fait rire. mais c'est con, mais c'est trop marrant. Ça m'a vraiment fait penser à des vieux cartoons à Warner Bros. Ouais, donc du coup moi ça m'a beaucoup plu, voilà. Je sais pas si quelqu'un a quelque chose d'autre à rajouter, mais non. D'accord. Voilà, donc Bon. Eddie et moi-même vous conseillons Moi là-haut, aussi, je vous conseille, mais je vous Morgan. conseille, c'est très bien. Moi, je suis pas réceptif à ce truc-là. Par Il n'y a pas contre, bon goût, j'adore il n'y a pas bon Pixar. goût. Oui. À ce Bon. truc-là. Non, mais j'adore Pixar. Bon, même si, Ouais. oui, bon, même si le podcast va laisser croire que non, je vous promets. Mais je vous promets, je suis un fervent fan de Pixar. Je les aime d'amour. Mais là-haut, c'est très bien. Allez-y, regardez-le. En même temps, c'est facile d'être. On est tellement habitué à ce que Pixar mette la barre très haut. Du coup, quand ils Voilà, font c'est un ça. film Du un coup, petit peu plus quand il faut un... simpliste, Voilà, c'est forcément, ça. voilà. Ah, C'est mais ça. là-haut, je trouve pas simpliste du tout, au contraire. Non, Non, mais non, mais on on parle parle pas de là-haut, on du parle prochain de film. l'autre film. Ah non, Ouais, pas mais on en simpliste, c'est parlera plus merdique. tard. Non, non, mais je te laisserai pas dire ça Non, par par contre, moi non contre. plus. Hein. Bon, voilà, on vous a parlé de là-haut et maintenant on va passer à nos coups de cœur, coups de gueule et découvertes. Nous sommes donc à la rubrique Nos coups de cœur, coups de gueule et découvertes. On va citer les films par ordre chronologique. Donc on va commencer avec Morgan qui a vu Spectre. C'est le seul de nous trois qui a vu Spectre. Donc c'est le dernier film James Bond. Moi je suis pas fan comme vous le savez. Eddie non plus. C'est Donc pas que je suis pas fan, mais c'est que ça me laisse un peu indifférent en ça fait. Bah l'intéresse voilà, pas quoi. c'est pareil, ça m'intéresse pas. Donc je vais te laisser parler, Morgane, du dernier James Que Bond. j'ai vu en avant-première au Grand Rex le 29 octobre dernier. Je vous en prie, monsieur. Exactement. Oui. Ouais. On n'a pas tous les mêmes valeurs. Ouais, enfin, les sièges du Grand Rex au balcon, je vais pas me vanter, mais c'est horrible. Voilà. Si le Grand Rex nous écoute, changez vos sièges au balcon. Je ne referai plus d'avant-première au Grand Rex si on est au Comme balcon. beaucoup de sièges au cinéma, hein. Bah honnêtement, je peux m'endormir facile. Enfin, pas m'endormir facilement, mais si vraiment je suis fatigué, dans mon cinéma, je dors sans problème. Mais là, Spec, j'étais un peu crevé. Honnêtement, enfin, j'avais chaud, c'est étroit, enfin, c'est horrible. C'est horrible. Si t'es grand, D'accord. t'es dans la merde. Et Je si t'es vois. rondouillard, voilà. Moi, je suis. Ben voilà, moi je fais 1m85, donc tout est dit. Voilà. Et moi, je dirais pas mon poids. Alors, ah d'ailleurs, je l'ai vu. Ah oui, bah d'ailleurs, on va leur faire un coucou, Axel, pardon. Je l'ai vu à côté de Fabien de Cinéfeuzz. Voilà. Ah bah, Et on va c'était faire un petit génial coucou. de partager un film avec Ah lui. bon? Ah Oui. oui, c'est vrai, tu me l'as. Ah, si, tu me l'as dit. Ouais, il nous a réservé nos places d'ailleurs. Enfin, il s'est un peu bataillé parce que je voulais absolument être à côté. Enfin, le groupie de Cinéfeuzz que je suis était heureux. Bah, ils sont Voilà. cool. C'était un peu. Non, raconte ta vie. Non, Donc, mais ils sont bien, Spectre. moi j'aime bien aussi les fans. Bah oui. Ah oui, ils sont. Enfin, pour moi, c'est les meilleurs. Donc Spectre, bah, grosse attente pour moi forcément, moi qui a adoré comme personne d'ailleurs Skyfall. D'ailleurs, je m'adresse aux deux personnes de ce podcast qui ne l'ont pas encore vu. Je leur conseille vraiment de voir Skyfall parce que c'est même. Est-ce que ça vaut la peine, même si on n'a pas vu les deux de Daniel Craig? Oui, parce que honnêtement, Skyfall, je l'ai vu sans avoir vu Quantum of Solace, qui apparemment est très très mauvais, et Casino Royale, je m'en souvenais plus. Donc Skyfall, vraiment, on peut le voir sans souci, il n'y a aucun problème. Ok, peut-être un jour. Par contre, Spectre, c'est bien quand même de voir les trois précédents. Parce que Spectre, si vous voulez, c'est un peu le chapitre final des James Bond avec Daniel C'est un Craig. peu le Dark Knight Rises, Bah quoi. bon, il dit ça, puis après il dit qu'il est prêt à en refaire un autre, alors faut savoir Oui. ce qu'il veut. Hein. Enfin, en tout cas, voilà, le cycle, enfin, moi, honnêtement, pour moi, ce serait une connerie que Daniel en fasse un autre. Parce que Spectre, c'est vraiment. la finalité. Tu l'appelles par son prénom, bah, ils sont intimes. Bah, je l'ai vu. Ah oui. Ouais, Daniel. Du coup, Dani pour les intimes. Danou. je vais pas y arriver. C'est vraiment n'importe quoi. Ça commence. du coup, je suis perdu. Oui. Donc, bah, tu l'as dit, Axel, hein, le côté Dark Knight Rises, on est vraiment en plein là-dedans. Et Skyfall, d'ailleurs, avait, je trouve, alors c'était sa grosse qualité pour moi, et ses défauts pour certains, c'est que Skyfall avait emprunté beaucoup au cinéma de Christopher Nolan. Je trouvais qu'il réinventait totalement, il reconstruisait le mythe, vraiment. Mythologiquement, le personnage était différent des James Bond d'avant. Et franchement, les premiers James Bond avec Sean Connery, c'est pas du tout mon truc. J'ai vraiment du mal avec le côté misogyne, le côté charmeur. Bah, j'ai l'impression qu'on le retrouve aussi là. Bah, pas vraiment, vu que dans Skyfall ils osaient quand même le propos crypto-gay avec le méchant Javier Bardem. Enfin, il y avait des scènes de tension sexuelle entre les deux. Enfin, mais vraiment, c'était assez frontal. Je parle que de la bande-annonce. Voilà. Enfin, j'ai pas vu les films, donc du coup. Par contre, pour Spectre, non, il revient vraiment là. Non, il aime les femmes quand même. Il a raison. Et voilà, Skyfall avait mis la barre vraiment haute, voilà, dans sa construction des personnages, dans son scénario. Non, Eddie, non. La discussion hyper tendancieuse. La barre haute. Il parle de crypto-gay, après il parle de barre haute. Voilà. Non, donc, voilà. Skyfall, n'importe quoi. J'arrive pas. C'est la version suédoise, ça. Oui, bon. Skyfall avait mis la barre très très haute, voilà, comme je l'ai dit, dans sa reconstruction, dirais-je, mythologique du personnage, la façon dont il est traité, et surtout, il y avait un climax émotionnel à la fin qui était hyper fort. Et donc, c'est le même réalisateur, donc Sam Mendes, qui est revenu avec Spectre. Et pour moi, c'est pas forcément une bonne idée. Vu que j'aime bien quand la saga change un peu de réalisateur, un peu comme Mission Impossible d'ailleurs, c'est bien d'avoir plus. D'habitude, ils changent de réalisateur. Bah, non, ou... Ouais. Bah, tous les James Bond que j'ai vu en général, c'est des réalisateurs différents. En même temps, c'est logique vu que Spectre se veut quand même comme la suite, quand même de Skyfall, c'est la finalité de tout ça. Mais le problème de passer derrière Skyfall, c'est que Skyfall qui avait vraiment redynamisé James Bond, qui avait proposé quelque chose de novateur, qui avait vraiment ça ressemblait pas du tout à un James Bond, on était plus dans du Nolan vraiment. Et d'ailleurs voilà, le Nolan va devenir une démarche artistique maintenant, de se la jouer à la Nolan. Et là Spectre, on en revient à un James Bond traditionnel, vraiment les 2-3 James Bond avec Sean Connery que j'ai vu, là Spectre ça nous renvoie 20 ans en arrière, quoi. Et c'est pour moi sa limite. Alors, les puristes de James Bond vont dire que c'est formidable, que voilà, c'est. Mais honnêtement, en 2015, de voir ça, bah, je trouve que ça me procure rien. Alors, il y a une scène d'intro qui est grandiose. C'est un plan séquence de 4 minutes au Mexique pendant la fête des morts. Il y a un nombre de figurants, mais incroyable. On se demande vraiment comment il a fait tout ça. Le problème, c'est que, comme là-haut, voilà, 4 minutes, génial. Pour le reste, moins bien. Le reste est hyper lisse, les personnages sont inutiles. Monica Bellucci en James Bond, pas girl, mais lady, comme elle l'a dit à l'avant-première. Elle fait 5 minutes dans le film, la scène ne sert à rien, elle est improbable, et le rôle encore moins. La James Bond girl est tenue par Léa Seydoux, Eddie, tu l'aimes beaucoup. Ouais, on l'aime que plus. Je trouve pas mauvaise, mais je la trouve lisse. Et ça, c'est le problème des personnages, c'est que je les trouve extrêmement lisses, comme le personnage du méchant. Elle est tout le temps comme ça. Non mais franchement, elle est pas mauvaise. On dirait qu'elle joue toujours le même personnage. Oh, dans La Vie d'Adèle, c'était pas. Hein. Bon. Non, c'est autre chose. Non, mais il y a que dans La Vie d'Adèle. On parle pour les films américains. Ah bon, d'accord. Voilà, il y a un gros problème au niveau du traitement des personnages et à commencer aussi par le méchant que j'attendais énormément, mais en même temps, quand on voit qui ils ont pris, on se rend compte que le film ne prend pas du tout de risque parce que prendre Christoph Waltz pour faire le méchant, voilà, c'est vraiment, on se la joue très sécure. Enfin, c'est cute. Pardon, avec un accent. Je trouve que c'est. Bah non, c'est une déception. J'ai vraiment du mal à en parler, mais ça fait un moment que je l'ai vu. C'est bien. On sent que c'est un plaisir, en tout cas. Oui, non, mais non, je suis un peu frustré parce que j'ai attendu le film ceux qui me suivaient sur Facebook, sur Twitter, savaient à chaque affiche que je... Non. Ben non, mais j'attendais le film, mais vraiment, parce que, comme je dis, Skyfall, ça a été le meilleur film d'action que j'ai vu en 2012, et là, vraiment, Spectre m'est totalement sorti de la tête. D'ailleurs, le titre du film est bien trouvé, c'est vraiment Spectre, dans le truc, c'est tout est abstrait, tout est lisse, tout est classique, le film n'a vraiment... Franchement, il n'inspire pas grand-chose. Il y a une scène de course-poursuite, mais qui est pas ouf, quoi, qui est juste... oui, c'est juste sympa à regarder, c'est pas trop long, c'est pas... Bon, ça dure 2h30, mais c'est pas ennuyeux, c'est là l'avantage. Mais même en matière de scénario, je trouve ça extrêmement plat. Il y a un twist qu'on a vu venir, et honnêtement, je vous révèle rien, enfin, je vais vous le révéler, mais ça va pas vous surprendre, tout le monde l'a vu venir. Christoph Waltz, le méchant qu'il incarne, c'est Blofeld. Pour ceux qui connaissent James Bond. Oh, oui. Franchement, je le trouve un peu cabotin. Donc, honnêtement, Christoph Waltz fait du Christoph Waltz. Hein. Je pensais plus sobre. Non, il est toujours dans le côté un peu. Vous voyez un peu le côté un peu charismatique, enfin grand sourire, etc. Non, j'ai eu une grosse déception avec ce film. Je l'attendais beaucoup et j'ai pas détesté, mais honnêtement, ça m'a pas laissé des souvenirs. Il sera pas dans mon top, il sera pas dans mon flop non plus d'ailleurs. Mais passer derrière Skyfall, non, c'est dommage quoi. Je pense que avant Skyfall, ça aurait pu être mieux. J'aurais peut-être mieux apprécié le film. Mais là, non. Là, c'est pour moi, ce film est. Je vais employer un terme un peu fort, c'est un film complètement has-been. Pas dans sa mise en scène. La mise en scène est très bien. Les actions sont propres, c'est clean, y a pas de problème. C'est du beau spectacle. Et Skyfall, j'étais sorti vraiment excité par le film. J'avais même pas eu l'impression que c'était un James Bond. Le personnage avait été retravaillé. Que là, c'est carré quoi. C'est un film qui hyper consensuel. Voilà, on met les trucs dans les blocs. Voilà, c'est bien fait. Mais voilà. Et bon. D'accord. Et le générique est très bien d'ailleurs, chanté par Sam Smith. Il est excellent. Voilà. Ouais, mais en termes de musique, j'ai des goûts un peu douteux, j'avoue. Ne tenez pas en compte ce que j'ai dit. Hein. Alors désolé pour cette chronique qui est un peu, j'étais un peu déconcentré, donc voilà. Non, mais c'est pas grave. Je vais me rattraper après. On comprend. j'ai pas grand-chose à dire sur Spectre. Hein. Ça m'intéresse pas. Je pense pas que je le verrai, mais voilà. T'en as bien parlé en tout cas. Ouais, ouais. Tu m'as pas donné envie de le voir. Bah non. Bon, après, mieux vaut voir Spectre que se couper une jambe. Il y a vraiment pire quoi. Mais c'est pas. Ok, d'accord. Franchement, ouais. Devant le film, c'était là, j'étais. Ouais, ok. Mais vraiment, j'ai regardé ça sagement. C'est plan-plan quoi. C'est plan-plan. Mm-hmm. Voilà. Mais Daniel Craig est quand même. C'est quand même le meilleur James Bond que j'ai vu en tant qu'acteur. Pierce Brosnan, c'était pas ça. Le problème de Pierce Brosnan, c'est que les films n'étaient pas terribles. Mais là, je trouve que Daniel Craig, il a un charisme, il dégage vraiment quelque chose, il a, même physiquement, bon, on le sent un peu fatigué, en même temps, le tournage a été compliqué pour lui. Mais j'espère qu'il va vraiment s'arrêter là, parce que Spectre, c'est la finalité de son cycle. Ouais. Voilà. Donc, ça finit un peu, voilà, c'est une petite bulle, quoi, c'est pas le gros boom, c'est pas grand chose. D'accord. Je mets des onomatopées. moi je vais vous parler rapidement d'un film, ce sera pas long parce que j'ai pas énormément de choses à dire. C'est vraiment un coup de cœur du mois en fait pour moi parce que je m'attendais pas à grand chose et je suis allé voir le film un peu par curiosité, voilà, c'est ce que je cherchais. Et j'étais vraiment surpris, donc c'est Nous trois ou rien, qui est la première réalisation de Kieron Tabib, que vous connaissez sûrement si vous avez vu la série Bref de Canal+. Ah, c'est l'acteur c'est l'acteur qui joue Bref, enfin qui joue dans Bref. Non. Il s'appelle Kieron dans... c'est Kieron Tabib. Ah. Oui, voilà. Et qu'on retrouve dans le film d'ailleurs. Donc le film est sorti le 4 novembre 2015. On retrouve donc Kieron dans le rôle principal, Leila Bektit, Gérard Darmon, Zabou Breitman, Alexandre Astier, Arsène Mosca et Kian Kojandi. Donc le synopsis, enfin le film raconte l'histoire vraie de Ibat Tabib, donc c'est le père de Kieron. Non mais c'est les noms qui sont. Hein, voilà, je. Vas-y. C'est des noms iraniens. Du coup, il est joué. Enfin, son père est joué. Oh maintenant je me perds avec tes. Il est joué par, par son fils, donc, et son épouse, qui est incarnée par Leila Bektit, qui sont de jeunes Iraniens militants pour la démocratie. Ils contestent le régime du Shah, qui est interprété par Alexandre Astier, très bien dans le film d'ailleurs, qui est très marrant. Puis celui de l'Ayatollah, je dirais pas le nom pour pas offenser les gens, parce que je pourrais pas dire le nom là. Et sont contraints de fuir leur pays en 1984. Le film raconte leur exil en France et leur arrivée en Seine-Saint-Denis, ainsi que leur application dans la vie associative locale. Voilà, donc ça, ça a l'air ouf comme ça quand on le raconte, mais franchement c'est un très bon film et vraiment... il m'a surpris par son humour, par sa légèreté, sur un sujet quand même qui paraît assez grave. Il y a des scènes qui sont vraiment émotionnelles dans le film. L'humour, d'ailleurs, on retrouve par moments un petit humour anglais absurde qui fait plaisir, que je trouve rarement dans les films français, et ça fait du bien. Moi, j'ai beaucoup ri, le film m'a beaucoup touché aussi. La réalisation, elle est vraiment exceptionnelle. Pour un premier film, c'est vraiment hallucinant, je trouve. Et les acteurs sont tous très bons. Kairon, Leila, Bektit aussi, qui interprètent les premiers rôles, comme je l'ai dit, sont vraiment très très bons. Au niveau de la musique, c'est sympa, mais c'est pas non plus le point qu'on retiendra du film. Voilà, donc j'ai pas grand chose à dire parce que je l'ai vu il y a un petit moment quand même, mais le film m'a marqué en fait, et je voulais en parler parce que c'est le film qui m'a le plus marqué ce mois-ci, même si on va parler d'autres films encore qui sont sortis ce mois-ci, mais voilà, moi j'ai vraiment apprécié, je vous le conseille énormément. Alors ça va surprendre les gens qui connaissent nos personnes, mais du coup c'est un peu les avis inversés sur Hunger Games aujourd'hui. Donc on va parler de Hunger Games La Révolte partie 2, enfin le dernier film de Hunger Games. Je pense que... Ah oui, on est d'accord, on est d'accord, enfin. Ouais, on est d'accord sur ça. Donc qui est réalisé toujours par Francis Lawrence, qui avait réalisé le 3 et le 2, le 2 ouais. Je crois. Ouais, il y a que ouais. Le premier qui est pas réalisé pour lui. Ouais, heureusement. On voit, il y a un contraste. Il y a une espèce de contraste. Donc le film est sorti en France le 18 novembre 2015 et est sorti aux États-Unis le 20 novembre 2015. On retrouve toujours au casting, comme d'habitude, Jennifer Lawrence. Josh Hutcherson, putain, non, tu vois. Liam Hemsworth, Elizabeth Banks, voilà, Woody Harrelson, Philip Seymour Hoffman. Julianne Moore, Donald Sutherland, voilà, il y en a... Feu, c'est Philip Seymour Hoffman. Oui, il y en a une pelletée d'acteurs dans ce film. Il y a du fric. Donc voilà. Du fric à l'écran, je vous le dis. Ouais, ouais. Et du coup, je vais pas commencer par en parler parce que c'est pas le film qui m'a passionné ce mois-ci, donc peut-être en laisser parler Morgan, oui. Bizarrement. Ouais, ouais. Qui, tu peux peut-être raconter ton histoire avec Hunger Games. Ouais, je vais y aller depuis le début. Hein. Tout a commencé en 2012, où je suis allé voir ce qui était pour moi le pire film de 2012. une adaptation, encore une adaptation, hein, faite par pour moi un tâcheron. Là-dessus, je crois qu'on est d'accord. Hein. Oui, voilà, oui, le premier Hunger Games, pour moi, est une atrocité absolue. Donc c'est dommage que Quentin soit pas là pour justifier son 10 sur 10 sur ce film. Sur le premier Hunger Games ? Oui. Mais il est jeune, vous savez. non, et pourtant Quentin arrête pas de me dire, mais vu qu'il sait que j'ai aimé le dernier, il arrête pas de me dire, mais revois le premier. Le premier, non, pour moi le premier, et je le dis encore une fois, même si ça n'a rien à voir, c'est du sous-Battle Royale. Le principe est le même. Ouais. Même si les enjeux sont totalement différents, je l'accorde, mais la démarche de prendre des ados, des jeunes, de les foutre sur une île et qu'ils s'en foutent, c'est Battle Royale. Voilà. Ouais. Sauf que Battle Royale est un grand film et Hunger Games, le premier, ne l'est pas du tout. Parce que ça manque de personnages, parce que c'est extrêmement... Enfin, sa façon d'édulcorer la violence, c'est insupportable. C'est là qu'on sent que l'abus de Shaky Cat, c'est là aussi, c'est prise de tête, parce que on sent que c'est vraiment une façon pour les réalisateurs de masquer la violence pour que le film ne se prenne pas des interdictions. C'est une paresse de mise en scène. Oui, aussi. On parle du mec qui a fait pur sang. Enfin, vraiment, c'est vraiment le premier, ça partait très mal. Donc le deuxième, ils ont un peu compris le truc, même si le premier était un carton. Ils ont changé de réalisateur. Bon, Le deuxième passe un peu mieux, en tout cas en matière de mise en scène. Pour moi, le deuxième, c'est le meilleur. Oui, je trouve aussi. Dans mes souvenirs, le deuxième, ouais, oui. Mais après, j'étais toujours dérangé parce que l'univers ne m'intéressait tellement pas que pour moi, le deuxième raconte toujours un propos qui est un peu vain finalement. Il y a un propos, mais pour moi, il est vain. Et ça manquait, voilà, ça, comme d'habitude, ça manquait de personnages. J'ai aussi un, là, c'est toujours mon, c'est un défaut que je vais jamais retirer à la franchise. Je trouve qu'en matière de costumes, c'est d'un ridicule, mais les costumes de carnaval, non, franchement. Ça, je peux pas te le. Des costumes du Capitole. Ah, mais de tout, bah ouais, oui. Tous les costumes. Enfin, oui, bon, après les costumes. Parce que le Capitole, c'est fait exprès, justement. Oui, c'est fait exprès. C'est... Mais ça m'a pas, ils vivent, hein. Mais justement, c'est ce que montre le film, c'est qu'ils sont tellement. C'est un système totalitaire, donc ce que le Capitole leur dit. Enfin, si le Capitole leur dit que ces trucs moches sont à la mode, ils le portent, et pour eux, c'est bien, c'est ça qui. Ouais. qui Ah voilà, c'est ce que ça montre, mais c'est oui. Volontairement burlesque en fait ça. C'est volontairement moche de toute façon. Ouais. Mais oui, mais le problème c'est bah ouais, c'est volontaire mais ça reste moche. Ça me sortait du film. Je n'en pouvais plus. Mais bon ça c'est pas on peut pas contredire non, ça quoi. Ah non, attends, on peut faire des costumes moches et qu'ils soient classe. Le cinquième élément qui est passé à la télé il y a deux jours. Les costumes sont pas beaux, mais c'est dessiné par Jean-Paul Gaultier. C'est moche, mais classe. Tu vois ce que je veux dire? Que là, c'est moche, mais c'est pas classe. Alors, Elisabeth Banks avec ses froufrous et tout, non, mon dieu. Donc, je trouvais quand même que le deuxième, pour moi, c'était toujours aussi vain. Alors, le troisième, et qui était, en fait, les trois derniers films étaient dans mes flops. Le troisième, pour moi, c'était très problématique. C'est que, alors là, on sentait qu'il y avait un petit propos derrière. Il y avait un tout petit truc quand même. Mais le problème du troisième, c'est que c'était une longue bande-annonce pour le dernier. Ouais, et là, le dernier, quand j'ai vu le dernier, honnêtement, j'y suis allé en disant, bon, allez, je vais le voir. Alors, tout le monde dit, pourquoi tu vas le voir? Parce que tu vas pas aimer. Je fais, on sait jamais, peut-être que la quatrième sera la bonne. Et ben oui, la quatrième, c'est la bonne. Et même, j'ai même envie de dire, ils ont compris. Alors, ils ont compris comment orchestrer un final qui, pour moi, est juste, alors je vais pas dire parfait, il est imparfait, forcément, qui est excellemment bien. Enfin, c'est un final excellemment bien orchestré, et c'est comme ça qu'on doit mettre en scène un dernier volet d'une franchise d'une telle ampleur. Là où pour moi, Harry Potter, dernier du nom, c'était un petit peu foiré, parce que c'était un festival de mort, un festival de surcharge, de scènes d'action, enfin c'était vraiment ça envoyait tout péter. Là, je trouve que Hunger Games, il brille. C'était quand même vachement plus intéressant. Alors, j'ai trouvé qu'en matière de propos, le problème d'Harry Potter... T'as pas vu le retour du roi, en plus. Oui, justement, je sais. Voilà. Oui. Arrêtez, m'attaquez pas sur ce que j'ai pas vu, attaquez-moi sur ce que j'ai vu. Mais surtout que le retour du roi, vu que j'ai acheté le coffret, enfin bref, je suis obligé de le voir. Et je m'engage à le voir avant la fin de l'année. Non, je trouve que le dernier Hunger Games, il brille par sa sobriété, et c'est ça qui m'a intéressé dans le film. Et je trouve que la sobriété des scènes d'action qui sont pas nombreuses, hein, c'est pas un film d'action, quoi, c'est un film qui est plutôt, je trouve plutôt poseur. Le film dure combien de temps? 2h30, c'est ça? 2h20? Sur 2h20, il y a même pas une heure d'action, quoi. C'est beaucoup des scènes de dialogue, des scènes d'émotion, mais je trouve que ça marche justement, parce que là où je trouvais que le propos d'Hunger Games était vain, à ce moment-là, je me suis dit, ah bah enfin on me raconte quelque chose, enfin politiquement il y a des enjeux, mais arrêtez de vous foutre de ma gueule, c'est pas possible, enfin politiquement il y a des enjeux, tout se met en place, les personnages commencent à s'incarner vraiment, Jennifer Lawrence n'a jamais été aussi bonne que dans ce film, mais vraiment, parce que je trouve que son héroïne, pour moi, Katniss, c'était une héroïne des bacs à sable, qui pour moi ne véhiculait rien du tout. Et là, enfin, c'est une héroïne avec des convictions, je comprends son combat, je comprends ce que ça veut dire. Enfin, pour moi, ils ont compris, quoi. Au bout du quatrième, alors mieux vaut tard que jamais. Après, il y a des gros défauts dans le film, effectivement, à commencer par, alors tout le casting n'est pas bon, à commencer par Josh Hutcherson, je lui conseille d'arrêter de jouer. Je lui conseille, c'est une tête à claque dans le film, déjà le rôle il prête, mais alors lui je sais pas si vous avez vu la super parodie qui est sur internet où il remplace la tête de Hutcherson par une pita. Oui. Mais la pita, non, a plus de charisme. Oui, mais attends, oui, j'avoue, mais de toute façon les costumes et les noms dans Hunger Games ça a toujours été con. C'est Je suis Pita, fils de boulanger. Hey. Ah, c'est fou. On dirait que t'annonces un Pokémon, quoi. C'est... Ouais, c'est... Ça fait grec. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Bon, oui, bon. Voilà. Bon. Sur ce... non, sur ce, non, je vais quand même défendre le jeu, parce que non, je trouve que c'est un final de qualité, et c'est vraiment... C'est ça qui m'a surpris, parce que je reviens vraiment de loin avec Hunger Games. Donc, je suis pas un fan de la première heure, donc le défendre, c'est un peu compliqué, parce que je déteste cette franchise, mais viscéralement. Mais vraiment, cette franchise, pour moi, c'est rien, je le dis rarement, mais pour moi, c'est de la merde. Hunger Games, pour moi, c'est de la merde. Et là, je me suis dit, non, mais en matière de finale, non, c'est bien parce que j'assume tellement pas avoir aimé le dernier que je me sens quand même obligé de descendre les trois précédents. Mais je m'engage à les revoir quand même parce que le deuxième, en ayant apprécié le quatrième, même beaucoup aimé le quatrième, je pense que le deuxième peut mieux passer. Parce que Hunger Games ne joue pas tant sur l'action. Il y a quand même, je pense qu'il y a un propos qui m'a peut-être échappé, j'en sais rien. En tout cas, pas dans le premier, même pas en rêve, je le revois. Mais je trouve que dans le 4, il y a des enjeux très forts. Même au niveau des morts, je trouve que les scènes où on se dit c'est bizarre, attends, ce personnage qui est important meurt, ils n'en font rien. Maintenant, ils laissent durer le truc et 10 minutes après, il y a 10 minutes après, ça se met en place. Là, il y a de l'émotion qui s'installe. Bon, la scène de fin, la toute dernière scène, c'est un petit peu, voilà, c'est un peu problématique, mais très poétique. Et je trouve que pour une fois, et c'est là où je trouvais que Hunger Games ne me racontait rien. Là, au moins, je me suis dit, il me raconte quelque chose, et en plus, c'est fort. Et ça, c'est un film aussi, sentiment un peu bizarre, ça fait un peu écho à ce qu'on a vécu par rapport aux attentats, je trouve. J'ai vraiment vécu le film un peu comme ça, il y avait vraiment un effet miroir quand j'ai regardé le film, donc peut-être que je l'aimais pour ça, que je me suis senti concerné en voyant ce film-là. En plus, ça fait plaisir de voir un film, personnellement, je trouve, ne prend pas les jeunes pour des cons. C'est tellement rare, parce que les films movies, parfois, ça vole pas haut. Que là, finalement, je fais Hunger Games serait-il une saga ambitieuse? Serait-elle une saga ambitieuse? J'ai pas encore la réponse à la question, mais pour l'instant, le quatrième volet me porte à croire que oui. Et en matière de mise en scène, je trouve ça beau. J'ai trouvé ça beau. Je trouve que non. Je trouve visuellement le film, plastiquement, c'est. Tu peux me parler des effets spéciaux? C'est beau. Oh non. Mais si. Ah non, je suis désolé. C'est magnifique, c'est merveilleux. Les créatures là, dans les. Bah ennemis, carrément mieux réussi que celle du labyrinthe. Hein. Et j'ai aimé le film, hein. Mais j'ai pas vu le labyrinthe. Ah, le labyrinthe 2. En même temps, c'est pas dur de faire mieux. Ouais. C'est pas dur de faire un peu. Vous n'avez pas vu le labyrinthe 2, arrêtez de parler, mais les gens. j'ai vu les bandes annonces. Moi, j'ai vu le premier. Oh, bah, s'il faut voir une bande annonce pour juger un film, où va le monde? Je déconne, mais. Non, les effets spéciaux sont absolument horribles. Je suis désolé, tu peux pas dire que c'est beau. Ah, non, non, franchement, j'ai trouvé ça beau. Bon, par contre, la 3D ne sert à rien, mais. La genre de bouillie noire, là, qui. Bah, ça m'a fait penser à Venom, dans Spider-Man 3. D'accord, mais. ça. C'est vraiment moche, je trouve. Non, c'est pas un gage de qualité, hein, dans ce cas. Hein. Ouais. Si! On en reparlera dans les films sous-estimés, ça. Mais, Oui, non, ça, je suis d'accord. Franchement, j'ai été agréablement surpris, et même sur le spectacle, c'est pas too much, ça tombe pas dans l'excès, parce que Hunger Games, enfin, mon défaut dans Hunger Games, c'est que tout simplement je trouvais ça chiant, il se passait rien. Vous voyez le précédent. Et honnêtement, là je me suis dit, ok, ils vont pas dans la surenchère, c'est très subtil, très fin et très bien pensé. Pour un final, je comprends que ça déstabilise, mais je préfère ça à un truc foisonnant un peu trop comme le dernier Harry Potter, qui pour moi c'est un beau final, mais je trouvais que ça en faisait trop Harry Potter. C'était trop, ça se voulait épique en fait. Mais, ça mais l'était après, jamais Harry vraiment. Potter, attends, c'est que t'as 6 autres films avant. Bah oui, mais. Bah oui. Donc, bon, là, il y en a 4. C'est le quatrième. Pas bien loin. Non, mais je parle vraiment en matière de finale, parce que le final d'Hunger Games, c'était attendu. Moi-même, hein, qui connaissais pas l'histoire du tout, autre que. Enfin, parce que j'ai jamais lu les livres, hein, je me demandais comment ils allaient terminer ce truc-là, parce que, voilà, ça m'intéressait quand même de voir la fin. Et j'avais vraiment peur de la fin où tout tombe, si tu veux. Enfin, moi, je trouve que c'est extrêmement classique de faire tout péter à la fin. Que là, je me dis, bon, ok. Ils ont vraiment fait tomber ce qu'il faut. Ils ont gardé l'essence. Enfin, je trouve qu'il y a c'est extrêmement bien pensé et la mise en scène est vraiment, vraiment correcte. Même très bonne. Et la BO est géniale. Non, je la trouve pas inspirée du tout. Et Julianne Moore. La musique. Julianne Moore. Ah oui, attendez, si je parle pas de Julianne Moore, j'ai Quentin qui va criser. Julianne Moore est vraiment excellente, mais elle est toujours géniale. Mmh. Ouais, mais non. Eddie, tu veux prendre la parole parce que je sens que tu as été tu t'es retenu là. Donc moi je oui, je me suis retenu. Moi j'ai été très déçu en fait. Parce que moi je suis comme Morgan, hein, je déteste le premier, mais vraiment hein, c'est pour moi c'est un non-film quoi. C'est le niveau zéro de ce que devrait être un blockbuster pour adolescents. Surtout que le premier, je me permets de te couper, le premier, je l'attendais énormément parce que dans le cadre d'un blockbuster hors contexte adolescent, je trouvais que c'était hyper ambitieux et c'était prometteur en matière d'univers, en matière de concept. C'était vraiment, pour le coup, oui, le Battle Royale américain. Ça aurait pu être beaucoup mieux que cette espèce de bouillie qu'on a eu par... Voilà. Donc du coup, j'avais pas aimé le premier, j'avais plus apprécié le deuxième. Ouais. Je trouve que on était déjà plus dans, il y avait plus de fond, quoi. C'était un peu plus frontal, c'était plus intéressant. Et j'avais bien aimé le troisième aussi parce que justement, il mettait en place beaucoup de choses. Il s'intéressait plus à la psychologie des personnages et il y avait tout un travail aussi sur la fabrication d'une image, d'un média et tout, à travers le personnage de Katniss. Donc je trouvais ça intéressant. Par contre, le dernier, pour moi, non, ça passe pas, quoi. C'est, Alors tout le monde me dit oui, mais c'est comme ça dans le livre et tout, mais je suis désolé, c'est pas parce qu'un film est fidèle au bouquin qu'il est bon. Voilà, on s'en fout de la fidélité au cinéma. Ce qu'il y a dans un livre, c'est un livre et un film, il faut arrêter de. Ça, c'est un débat qui me gonfle parce que un film, c'est pas un livre. Et un livre, c'est pas un film, quoi. C'est deux supports complètement différents. Et moi, je suis désolé, mais tous les blabla qu'on a dans cette dernière partie, là, réel ou notre réel, là, voilà, les machins, est-ce que tu m'aimes, est-ce que je t'aime, machin. Bah, c'est une chanson de Maître Gims, ça. Chanson de Maître Gims. Mais ça fait trois plombes qui nous en parlent. À la fin, au bout d'un moment, il faut conclure ça et il faut aller dans le sujet, hein. Quoi. Donc, moi, ce qui me gêne dans ce dernier film, en fait, moi, je pensais que, justement, on allait avoir un petit peu plus l'effet Harry Potter. Dans une mesure différente, parce que, comme je te l'ai dit, à Harry Potter, il y avait six films avant les deux dernières parties. Et ce qui était très bien, justement, dans les deux parties du dernier Harry Potter, c'était que le premier mettait vraiment tout en place. Mais alors tout, quitte à faire un film un peu plus lent, un peu plus long, c'est vrai, mais au moins tout était en place, c'était bien posé, c'était, voilà, on savait où qu'on allait. Non, il a réussi. Donc, la première partie. Voilà, moi, de la même façon, c'est celui que je préfère, la première partie. Du coup, quand on arrive dans la fin, vraiment la toute fin, là, on met les pieds dans le plat, quoi. On est vraiment dans... Et Hunger Games, non. Hunger Games, on est vraiment dans... On reste encore dans un film qui est quand même qui est pas structuré, quoi. Il y a des, je suis désolé, mais il y a quand même des gros problèmes de rythme. Je suis d'accord. Le film est un peu long. Toutes ces scènes, enfin, que t'aies des scènes qui s'attardent un peu sur la psychologie des personnages, ok, je veux bien. Mais là, t'en as trop. Pour une fin, t'en as trop. Je suis désolé. Un final, ça doit quand même marquer aussi. Mm-hmm. Et là, ça marque pas. Ça marche pas. Ça va à l'essentiel quand même. Moi je trouve que c'est pas le temps de la psychologie. Il y a des scènes fortes, toute l'assaut sur le Capitole à la fin, ça va. Oui. Je trouve que ça rend bien. Il y a une certaine violence qui est pas forcément frontale, elle est dissimulée, mais on la ressent bien. Donc ça, ça passe. Il s'attarde pas sur la mort d'un personnage très important, justement, lors de cet assaut sur le Capitole. Non, parce que ce personnage, de base, honnêtement, même s'il est important dans le bouquin, dans le film, enfin, moi je trouve dans la franchise, on mais totalement. Oui, mais oui, enfin, il a quand même quelque chose d'attachant. Je veux dire, c'est pas un personnage essentiel, mais. Oh non! Bah, moi je la trouve si. Oh, t'as dit que c'était une fille! Oui, bon, tant pis. De toute façon, vous l'avez tous vu, alors merde. C'est Primrose. Et en fait, moi, je trouve que là où ça fonctionne pas, c'est que à chaque fois que le film commence à s'envoler un peu, hop, tout de suite, on revient sur un truc beaucoup plus chiant. Bah, et c'est que des ruptures de ton comme ça. Et pendant 2h20, c'est chiant. Et justement, moi, quand je suis sorti de la salle, j'étais le voir avec des amis qui ont lu le livre. Et je fais, mais c'était aussi chiant dans le bouquin? Parce que franchement, Non mais parce que ils ont dû bien le prendre. Hein. Ouais, non mais je fais, c'était aussi chiant que ça dans le bouquin parce que franchement là, enfin voilà quoi. on sait depuis le début les enjeux et tout, et ils nous les rabâchent encore. Ouais, comme tu dis, il y a même pas une heure d'action dans le film, parce que tout le reste du temps, ils nous rabâchent des trucs qu'on sait déjà. Donc voilà, au bout d'un moment, je trouve qu'il faut quand même, pardonnez-moi l'expression, mais il faut sortir les doigts du cul. Donc non, moi ça me gêne. Même si après, c'est vrai qu'il y a quand même quelques scènes qui fonctionnent. Alors, tout l'assaut sur le Capitole fonctionne bien. Jennifer Lawrence, elle est très bien aussi. Julianne Moore, par contre, je suis pas d'accord. Elle est toujours classe, Julianne. Elle est très caricaturale. Mais en fait, je pense que le problème, c'est que ça contraste beaucoup avec Hoffman à côté, qui lui. Ouais, il est relayé un peu au second plan. Le problème, il a pas été fait en numérique à un moment, lui, dans le film. Non, il avait tourné la plupart de ses scènes. Ah oui, d'accord. Et je pense qu'en fait, il est un peu plus en second plan parce qu'il devait quand même rester quelques petites scènes importantes. Et du coup, voilà. Bon, ça a pas dû être évident. C'est vrai que de ce côté-là, on peut pas trop imputer ça au film parce que, bon. Mais à côté, je sais pas, moi je trouve qu'il y a des problèmes, quoi. Et ça me gêne parce que c'est une saga que j'avais pas aimé au début, puis plus ça avançait, plus j'appréciais. Et en fait, là, on en revient quasiment au même stade que le premier pour moi. Donc non, ça me gêne. Ah, tu es au niveau du premier carrément? Non, pas au niveau du premier, mais en termes d'appréciation pour moi, quoi. Ah oui, d'accord. Non, il est mieux que le premier. Voilà, moi, je pensais pas, je m'attendais pas à ça. Donc pour moi, voilà, ce rythme chaotique, ça me gêne. Franchement, c'est pour moi, c'est vraiment le gros problème du film. Moi, ce qui me gêne, et c'est là où j'ai eu un gros débat avec Quentin, c'est que t'as beaucoup aussi de scènes à prétexte. Et alors ça me gonfle parce alors autant dans un film, j'ai encore parlé de Jurassic World, dans un film comme Jurassic World qui est plutôt bon enfant, quoi, là tu sais que c'est lourdeau, ça y va, quoi. Donc c'est des scènes qui passent bien. Je veux dire l'arrivée du T-Rex à la fin pour dégommer l'A-Rex, voilà, ça arrive comme ça, c'est une grosse scène. C'est réussi sur le coup. Voilà. Alors que là, pardon, mais toute la scène dans les égouts, si c'est quand même pas pour... Mais j'ai flippé pendant cette scène. Oui, non, mais si cette scène elle est pas là, enfin pour moi cette scène elle est là pour évincer des personnages, hein, c'est tout. Hein. Et ça n'a rien de plus. Bah, elle se débarrasse des personnages les moins intéressants, donc Dieu merci qu'elle est là. Tout le prétexte du oui, le Capitole met des pièges partout. Bah oui, on le sait. Donc voilà. Ah, mais ils s'en servent de ça. Oui, mais justement, on sait que vous allez les éviter, mais c'est pas la peine non plus de voilà, faut aller vraiment dans le creux du sujet, quoi. Et voilà, et toutes ces scènes là, la scène avec le goudron, la scène avec les espèces de zombies, je sais pas quoi là. Les mutants. C'est des scènes à prétexte, quoi. C'est pour éliminer, éliminer des personnages et réduire le nombre. Mais tes amis, à qui t'as demandé par rapport au livre, qu'est-ce qu'ils t'ont répondu? C'est dans le bouquin, mais c'est pas parce que c'est... Mais oui, mais alors si c'est dans le bouquin, c'est pas bon non plus. Non mais je suis vraiment d'accord. Moi, ce que je comprends pas, effectivement, c'est que les personnes se servent du prétexte, comme dans le bouquin, donc c'est bien. Ce sont les mêmes qui adorent Shining de Kubrick, alors que ça n'a rien à voir avec le bouquin de base, il paraît. Ok, ces scènes-là sont peut-être dans le bouquin, mais comme je le dis, ce qui est dans un bouquin sert pas forcément dans un film. Je trouve que dans le film, ça marche. Je dis pas qu'il faut pas les inclure, ces scènes-là. Mais attends, la scène des égouts, elle dure 3 plombes en plus. Mais allez, tu l'as pas trouvé flippante? Non, pas du tout. Ah ouais? Non, mais j'imagine qu'à lire, ça doit être super chiant. Je pense que, voilà, ces scènes-là, certes, elles sont peut-être utiles dans le sens où, oui, il y a des personnages qui meurent à ce moment-là. Bon. Faut bien expliquer à un moment ou à un autre comment ces personnages vont mourir, pourquoi ils sont plus là dans les minutes suivantes et tout. Mais faut pas y passer 3 plombes, on est à la fin, donc il faut se remuer, quoi. Alors, non, moi ça me gêne. Donc je trouve que là on est vraiment sur une conclusion quand même assez inégale. Et puis alors la fin, c'est vrai que la fin est toute mignonne, mais c'est largement mieux parce que je trouve qu'il y a un lien avec la scène de fin d'Harry Potter. Oui, alors l'épilogue d'Harry Potter, il est pas bon, ça. Il est pas bon, mais je trouve que celui d'Hunger Games est meilleur, hein. Mais non. Le dialogue est beaucoup plus joli. Pour moi, c'est oui, si tu veux, à la limite, mais oui. Pour moi c'est au même niveau, franchement. Ouais, c'est un peu cucu. Hein. Ah, c'est la coupe de cheveux de Josh Hutcherson, on peut en parler aussi. Il y a un côté un peu too much aussi à ce niveau-là. Oui, maintenant, c'est vrai, ça fait un peu Dave. Ça fait, oui. C'est Jérôme. Ouais, ça fait un peu ça. Et du coup, non, quoi. Enfin, moi, pour un final, je trouve que là, c'est pas honnête. C'est, et Suzanne Collins allait à l'écriture du scénario, bah, tu le sens, quoi. Mais toutes les scènes qu'il y a dans le bouquin, et moi, ce qui m'emmerde, c'est que, bah, c'est le genre de film qui s'adresse vraiment au collecteur du bouquin. Voilà. Toi, moi, j'y vais, j'ai pas lu le bouquin, j'ai pas envie de le lire. Ah oui, pareil. Non, quoi. Et un film, à partir du moment où t'adaptes, ok, t'as l'adaptation à prendre en compte, mais t'as aussi le fait que, y a des gens qui n'ont pas forcément lu le bouquin, qui peuvent être intéressés par le film. Et ce développement-là, pour moi, c'est pas donner envie aux gens, quoi. Ça fonctionne pas. Mmh. Donc, voilà, tant pis, hein, ça se finit comme ça, mais c'est dommage. Du coup, j'étais déçu parce que moi, je pensais avoir droit à un final un peu plus ambitieux, quoi. Moi, je trouve pas spécialement ambitieux, mais je trouve réussi formellement. Bah, les bandes annonces ne nous vendaient pas comme ça en tout cas. Ah, les bandes annonces, honnêtement, je crachais dessus. Je crachais sur les affiches. Donc, je crachais sur tout. Je reviens tellement de loin avec ce truc-là. Les affiches ont été moches pour les 4 films. Ah, oui, non, mais les affiches, il y a un problème. À mon avis, le mec qui a fait les affiches, il est à l'asile alors qu'il est là. Comme le mec qui a fait les costumes d'ailleurs. Il a fait de nuances, de rouge, de orange. En parlant de costumes. Franchement, la scène où ils vont je ne sais où et qu'il y a une femme qui a une tête de chat, waouh! Franchement, il y a des petits soucis, c'est imparfait, dans les grosses lignes, je voudrais. Mais moi, il sera pas dans mon flop, mais c'est une déception. Quoi. Ça t'a déçu. Ouais, ouais. Je voulais te poser une question. Moi, pour moi, le plus gros problème du film, c'est qu'il est vraiment prévisible. C'est. On va voir le. Enfin, oui, on voit c'est la première pareil. Scène. Oui, d'accord. Oui. On sait. Quand elle tire la flèche à la fin, tu le sais déjà sur qui elle va tirer. Et on connaît les intentions de tous les personnages avant. Même au début. Au début, quand tu rencontres pour la première fois dans le film, dans cette partie-là, le personnage de Julianne Moore, tu sais ce qui. Non, c'est dans la première partie que tu la rencontres. Oui, mais je voulais dire dans ce film-là. Dans la première partie, tu peux encore avoir le doute, mais là, dans ce film-là, voilà. tu sais, celui-là, tu la vois. Dedans, quoi. Voilà, c'est ça. C'est prévisible. Il y a tout qui est prévisible. Les personnages qui meurent, ce qui va arriver, où est-ce qu'ils vont aller, par où ils vont passer. Tout est prévisible. Et en plus, je sais pas pourquoi ils ont pas. Et c'est ça le problème, c'est que non seulement c'est prévisible, et puis en plus, t'as toutes ces scènes qui justement font très prétexte, quoi. Voilà, c'est ça, c'est prévisible plus prétexte et en plus problème de rythme. Ouais. Qui, ah non, parce ça, que franchement, mais moi je me suis ennuyé. Mais moi j'en pouvais plus. J'en avais marre, en plus j'étais mal assis, alors le comble. Mais, j'en pouvais plus quoi. Moi j'avais qu'une envie, c'est que. Ouais. Et c'est pour ça. Alors, en sortant à la fin, je fais. Ça y est, c'est fini. C'est bon, c'est fini. C'est bon. Ils ont récolté leur argent, ils peuvent se barrer. J'assume, je vais pas du tout assumer ce que je vais dire. T'assumes. Mais franchement, je me suis plus éclaté devant le final de Twilight que devant le dernier de Hunger Games. Bon, j'ai pas vu. Au moins, je me suis pas ennuyé. Voilà. Moi, le final de Twilight, c'était vraiment foutage de gueule. Hein. Mais vraiment, en matière de. Ah oui, non, mais c'est sûr que c'est du foutage de gueule, mais au moins tu te fais chier. Par contre, alors, je vais réhabiliter la franchise pour Hunger Games. Rétrospectivement, je trouve que là où le premier m'avait fait peur, ce que j'avais dit dans mes anciennes critiques, où j'avais dit que c'était un triangle amoureux, là je trouve qu'en fait, finalement, ça joue pas tant que ça, c'est pas trop une romance ce truc-là. Oui, derrière, il y a vaguement le truc, mais honnêtement, je trouve que c'est pas une romance, mais bon, c'est quand même tout le temps souligné. Hein. Oui, mais c'est assez subtil, c'est quoi, temps, justement. Parce que les enjeux à la fin, tu veux savoir alors qui est-ce qu'elle va renverser, si elle fait tomber le Capitole ou pas, et puis avec qui elle va finir. C'est quand même un des enjeux de la franchise. Ah à finir avec le moins charismatique, forcément. Oui. Bon, c'est bon, t'as spoilé. De toute façon, on a dit la scène de fin avec c'est Jérôme, donc t'en as un qui est blond, t'en as un autre qui est brun maintenant. sur les deux qu'elle apprécie, voilà. Non, mais surtout que l'un comme l'autre, franchement, c'est la peste ou le choléra, quoi. Ah non. Ça je sais pas, mais. Ah, je parle vraiment en matière de. Ils sont pas intéressants, quoi. Mais je trouve qu'au milieu de ça, Jennifer Lawrence se débrouille vachement bien et son héroïne existe vraiment. Mais, et c'est vraiment pour ça que j'ai adoré le film. Une bonne actrice, elle est bonne actrice tout le temps. Hein. Oui. Non, c'est pas tu vrai. Tu pourrais pas dire ça pour Julianne Moore, par exemple. Tu vois. Ah, oui, mais elle est très bien. Julianne Moore était très bien dans Stylist cette année. Voilà, mais pas dans ce film. Mais pas dans ce film, non. Du coup, bon, je vais vite en parler parce que vous en avez Et déjà puis pas du mal coup, pour parlé, film posthume hein. de Seymour Hoffman, c'est un peu la honte, quoi. Ouais. Il va revenir hanter Lionsgate. Ouais. Bon, le parc de Lionsgate, il veut faire un parc. Oui. Oui, en plus. donc, moi, j'étais pas impatient de voir le film. C'est, je l'avais dit en plus. Alors que tu avais bien aimé les deux précédents. J'avais bien aimé les deux précédents que j'avais rattrapé l'année dernière pour voir pour le podcast d'ailleurs, pour pouvoir voir la première partie que j'avais bien aimé aussi. Mais par contre, là, j'avais vu les bandes annonces, ça me tentait vraiment pas, les affiches encore moins. Et j'y suis allé un peu à reculons, déjà. Mais j'avais quand même un petit espoir pour finir une franchise que j'avais plutôt appréciée pour le 2 et le 3. Là, c'est le problème avec les films en partie, à mon avis. Enfin, Harry Potter, j'ai plus trop de souvenirs, donc il faudrait peut-être que je les revoie parce que ça fait très longtemps. Ah, ça existe. Mais des gens qui n'ont pas souvenir d'Harry Potter. Ah, du Chinel, tu veux dire. Oui. Ah, oui, oui. Non, pas de toute la franchise. Ce sera. C'est vraiment le problème avec les films en partie. Bon, oui. Déjà, c'est un gros débat hein, parce que c'est argent. Juste, c'est juste pour voilà. Mais après, pour ça dépend. Ça pognon, dépend. C'est... Harry Potter, la première partie d'Harry Potter. La première. Non, moi, je suis pas d'accord. Non, pas Harry Potter, c'était nécessaire. Harry Potter, c'est nécessaire. J'ai quasiment lu tous les bouquins, sauf le dernier, évidemment. De tous ceux qui l'ont lu, puis c'est vrai que quand tu vois le film, tu le sens. Quand tu vois les deux ensemble, parce que moi, les Harry Potter, maintenant, du coup, si je veux voir la fin, ben, je regarde les deux d'un coup. Quoi, parce que c'est le seul problème des films en deux parties, c'est que du coup, faut que tu te cales une grosse tranche horaire dans ta journée quand tu veux voir la fin. Ouais. Mais c'est ça. Oui, dans Harry Potter, tu le sens. Tu sais que vu tout ce qui se met en place, il y a tellement de choses qui se mettent en place que du coup, tu sens que c'est deux parties, c'est pas de trop. Quoi. Ouais. Et donc, c'est aussi ce qu'on ressent pour le Hobbit. Après, je sais que tu as vu la version longue et que ça a pas trop changé ton avis, un petit peu plus, mais pas non plus. Mais j'ai rajouté un point quand même. Ouais, tu le rajoutes encore, c'est déjà pas mal. C'est toujours le problème avec les parties, c'est que j'ai l'impression qu'ils étirent à fond la franchise pour le pognon. Et c'est le cas de cette deuxième partie, clairement, c'est même pas caché. Mais là, le problème, c'est qu'ils étirent pour rien, quoi. Oui, voilà, mais c'est souvent le cas avec les parties, sauf pour Harry Potter, hein, j'ai mis une exception. Mais en même temps, il n'y a pas beaucoup de films en plusieurs parties. Bon, Twilight, c'était clairement, là, oui, ça n'a pas de sens. Bon, après, mais c'est Harry Potter qui a amené ça. Mais c'est Harry Potter qui a amené ça. Ce qui est dommage, c'est que Harry Potter, ils ont fait ça vraiment par nécessité. Par nécessité, ouais. Mais après, ils ont dit, bah, tiens, ça rapporte de l'argent. Et du coup, après, voilà, tout le monde l'a fait, pas par nécessité. Enfin, si, par nécessité de... Mais on mortira pas l'idée que si Le Seigneur des Anneaux était fait en 2015, le Retour du Roi, il y aura deux parties. Enfin, il y aura eu deux parties. Hein. Si en soi, le Retour du Roi en version longue, c'est un long film, c'est deux parties quand même. Franchement, j'aurais pas voulu voir le Seigneur des D'ailleurs, Anneaux en version sondage 2015. Sondage Express, comme ça, justement, on parle des grosses franchises avec, c'est quoi pour vous, même si je pense connaître ta réponse, la franchise qui a le plus beau final? Le Seigneur des Anneaux. Ouais, je m'attendais. Aussi. Ouais. Il allait dire Star Wars. Mais non. Le final de Star Wars n'existe plus maintenant, vu qu'il y a le 7 qui arrive. Ah, c'est ça. Voilà. Déjà, il y a ça, puis bon, le retour du Jedi, oui. Mais. C'est un beau final, mais. Tu l'as vu en version. Cul, hein, le retour du Jedi. Oui, non, mais la danse, enfin, la danse. Oui, mais elle y est pas dans la version modifiée. Dans la version originale. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que j'hésitais un peu plus. Ouais, mais non, je pense que le retour du roi est très bien. Alors, il y en a qui trouvent les 20 dernières minutes trop longues. Parce que non, moi, pas du tout. L'action doit. Enfin, le retour du roi, tu dois avoir quasiment 40 minutes de conclusion après la bataille, je crois. Donc, c'est vrai que ça peut paraître long, mais en même temps, on te fait pas trois films de quasiment. D'au moins 3 heures chacun pour finir en 15 minutes. Pour finir en 10 minutes, ouais, c'est ça. Donc, c'est assez délicat. C'est vrai qu'elle peut paraître longue. Morgane, je pense que tu la trouveras un petit peu longue. Enfin, toute la conclusion. Mais. C'est beau, par contre. Et pour toi, Morgane, alors? Je vais dire le retour du roi, même si je l'ai pas vu. non, mais je suis sûr que je vais adorer le retour du roi. Non, franchement, le plus beau final, bah... Oh, merde, je m'autopose une colle, là. Bah, moi, si Indiana Jones avait pas eu de 4, j'aurais dit Indiana Jones. Ah, Rocky. Mais... Ah, le final de Rocky, ouais. Il est beau. Enfin, non, c'est pas tant le final qui est beau. C'est le... Parce que pour moi, le final, c'est pas la scène finale, c'est l'acte final. Donc, Rocky Balboa est un super beau film. Un très beau film. Ok. Ouais, on va. Je veux juste finir sur Hunger Games pour qu'on puisse passer à autre chose. Qu'est-ce qu'on fait des digressions. Donc, la réalisation, je la trouve plate, classique, sans imagination, vraiment. C'est... Il a perdu un peu de ce. Et parce qu'il était plus inspiré dans le deuxième. De cette créativité dans qu'il deuxième, avait. Dans le deuxième, t'avais plein de rapports avec, avec la romantique et tout, l'espèce de grand forum comme ça, avec l'arrivée triomphale des tribus et tout. Ça faisait très César qui entre dans Rome, quoi. Donc, c'était intéressant. C'est plat. Il n'y a aucune imagination. Les effets spéciaux sont moches. Quoi que t'en dises, Morgane, je suis désolé, mais c'est vraiment moche. Pour un film de 2015. Mais non, mais les effets spéciaux, c'est dans le bouquin. Et pour l'argent qu'ils vont brasser avec le film, je suis désolé, ils pourraient faire un petit peu plus d'efforts. Ah ouais. Avec les effets spéciaux, parce que là, c'est pas possible, quoi. Au niveau des acteurs, ben, il y a du bon, il y a du moins bon. Hein. Moi, j'aime toujours autant. Woody Harrelson, c'est vraiment mon personnage préféré de la saga. Mais il est un peu effacé, c'est vrai, de cette partie. Donc du coup, il est moins important aussi vers la fin. Ah, c'est Donald Sutherland que j'ai adoré, moi. Dans les 4 films d'ailleurs. C'est vraiment l'acteur. Oui, en méchant, il est pas mal. Il est bien. Il est méchant, bien. Méchant. Il est un petit peu caricatural, mais il est pas mal, quoi. Pour un mec qui s'appelle Snow, il revient de loin avec un nom de famille pareil. Je laisse deviner, je serais chelou. Du coup. le scénario, comme j'ai dit, prévisible, et c'est lent, il n'y a pas de rythme, on se fait chier. Moi j'étais tout seul dans la salle en plus. Alors... Ah ouais, c'est vraiment ça, hein. Je pense que le mot d'ordre c'est on se fait chier. Enfin, je soufflais autant que je pouvais devant l'écran parce que là. Mais je n'accepte seul. Oh là là, mais. Et 10 minutes avant que quelque chose se passe, je disais ah ben c'est bon, elle va faire ça, et il se passait ça. Donc pour moi, ça c'est vraiment un problème de. Mais quand on arrive à vouloir deviner ce qui se passe, c'est vraiment que tu t'emmerdes. Voilà, c'est ça. Moi, en général, je sais que c'est ça pour moi. Et la musique, c'est pas inspiré du tout. Bon, après, ça a jamais été un point fort de la saga, hein, c'est pas non plus. Mais il y a que le thème du Capitole en fait que j'aime bien. Ouais, ça va, c'est sympa. Mais je trouve que c'est vraiment générique comme la réalisation. C'est un film bateau qui. Alors, est-ce qui, que c'est un choix artistique aussi ? Peut-être. Ouais, on pourrait le défendre. Il y a toujours ce message un peu sous-jacent de... Mais, ouais, le problème, c'est que c'est genre. C'est les gens contre qui. Les personnes à qui est destiné ce film. Donc le film dit qu'il faut se révolter contre l'ordre établi, à peu près, c'est ce qui est dit. Et pourtant, bah, c'est les gros studios qui proposent ce genre de film. Donc, voilà. Il y a déjà un gros problème au niveau éthique. Au niveau éthique, il y a vraiment un problème pour la saga en entier. Donc, c'est un film qui voilà. pousse à avoir ses propres convictions, à se révolter et tout. Et puis en même temps, il est tellement formaté pour un public qui de toute façon n'est pas exigeant. Parce que quand on voit ce qui sort aujourd'hui et que ce dont les gens se contentent, je suis désolé, mais il n'y a plus d'exigence, quoi, dans les attentes du public. Et Hunger Games, c'est ça, en fait, c'est un peu le problème, le message en soi, il est bien, mais. c'est les gens qui sont derrière, finalement, c'est ceux contre qui il faudrait se révolter. Et... Voilà, c'est ça, en fait. Voilà. Et le problème, ils acclament, en fait, le problème, c'est que ces personnes-là acclament ce qu'elles. Merde, j'ai pas arrivé à... Qu'elles ne font pas. Oui, c'est ça, en gros. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc, du coup, elles montrent quelque chose qui pourrait se passer, mais finalement... Alors, je dis pas que tous les fans sont comme ça. Hein. Non. C'est pas péjoratif. Hein, les personnes que j'ai vues, en général, on dit quand même des... Et je dis pas que tous les studios sont... cinématographiques plutôt honorables. Disons ça comme ça. Ils apprécient Hunger Games et ils savent reconnaître que voilà. Mais... Voilà, moi j'ai à peu près tout dit. Je pense qu'on a à peu près tout dit. On a fait beaucoup de temps sur Hunger Games. On a fait plus long que les deux films réunis. Oui, voilà. Mais de toute façon, je pense qu'on en reparlera le mois prochain avec Quentin, qui sera normalement là, puisqu'il voudra absolument en parler, et surtout, je pense qu'après avoir écouté ça... on en parlera ça, dans les top et flop, hein. Oui, mais après... Ah non, après j'ai avoir... une petite info sur Quentin, il m'avait dit au téléphone, parce qu'on parle au téléphone de temps en temps, merci. Il m'a dit qu'il sera sûrement pas dans son top. Ah, étonnant, pour un 10 sur 10, oui, mais parce que je dis ça comme je crois ça, qu'il m'avait dit, bon après ça peut changer, hein, mais il m'avait dit que peut-être d'autres films à défendre, que c'est quand même assez... Enfin, mettre Hunger Games dans un top, parce que, enfin, un peu classique, enfin voilà, il réfléchit déjà, il réfléchit, le petit, hein, il grandit, c'est beau. Non mais c'est bien, c'est très bien. Oui, bah c'est bien. Bah vous êtes content, vous aimez pas le film. Bah oui, tu vas pas le mettre dans ton top non plus. Non, non, non. C'est pas un film que je déteste, c'est juste un film qui m'a déçu. Oui, voilà, ouais, c'est voilà, ça. Voilà, c'est pareil. Non, non, je donc, voilà. Top. J'ai bien aimé, j'ai mis un 4 sur 5. Donc de toute façon, Quentin en dira un ou deux mots dans les prochains podcasts où il sera. Et donc on peut passer enfin, c'est le dernier film de nos coups de cœur, coups de gueule et découvertes. Et cette fois c'est Morgane qui va encore faire un coup de gueule. Mais là j'avoue, ça me fait chier qu'on en parle. Ouais, je sais moi aussi. Parce que le souci c'est que Eddie et moi-même. Le souci c'est un film qui a été distribué, je crois, dans 40 salles en tout en France. Voilà. Bah, et le pire, c'est que au CGR à Colmar, donc je dis le nom, où je vais souvent, il y a l'affiche, mais il passe pas le film. Alors ah oui, ça c'est pas mal ça. C'est encore parce mieux. Parce que moi chez moi il le passe pas, mais il y a pas l'affiche. Hein, donc... Ouais. Moi malheureusement il y a l'affiche et il le passe. Il y a l'affiche disponible à partir du, je sais plus quand c'est sorti, fin novembre, et ben sur les programmes c'est nulle part. Donc faudra m'expliquer la logique, hein. Si vous pouvez me contacter, si vous écoutez. Voilà. Le film est vraiment très mal distribué, et du coup, bah, moi, surtout Eddie, je voulais aussi le voir parce qu'il me tentait vraiment. Bah, moi, c'est pas compliqué. Quand je fais une recherche à proximité de chez moi via Sens Critique, le plus près, c'est 50 km. Mm-hmm. Ah oui. Mm. Ouais. Donc, bon, et, mais j'ai pas. Ouais. On parle, mais nous n'avons pas dit le titre du film. Night of Cups. Night of Cups de Terrence Malick. Voilà, c'est pour ça que Eddie est très intéressé. Eddie est un et franchement, il a une vision du cinéma de Malick. Enfin, il le défend très très bien. Je l'atteste. Je te passe beaucoup de pommade, Eddie, pour pas que tu me tapes sur ce que je vais dire. Non mais bon, parce que Eddie est quand même le meilleur spectateur pour voir. Enfin, c'est peut-être le plus légitime à parler de Malick. Terrence Malick, forcément, j'ai vu. 3 de ses films, 4 de ses films. Attendez, j'ai vu La Ligne Rouge que je n'ai pas aimé, mais je lui reconnais. C'est pas que j'ai pas aimé, c'est que je me suis énormément ennuyé. Le film est magnifique, mais c'est ça vraiment ennuyeux. The Tree of Life, qui est un de mes films cultes, pour moi, c'est un film touché par la grâce. C'est un immense film, un film poétique, c'est un film qui me fait. Enfin voilà, il n'y a aucun mot pour décrire la beauté. C'est mon film préféré. Et je suis d'accord avec toi. Pas meilleur que Kill Bill, mais quand même. il est premier de mon top, il est avant Jurassic Park. Ah non, mais c'est pour moi, The Tree of Life, c'est vraiment ce que le cinéma peut. Enfin, voilà, le cinéma nous apporte souvent des bonnes choses. Et vraiment, c'est quoi le cinéma? Bah, c'est The Tree of Life. Mais vraiment, quand je pense cinéma, je pense The Tree of Life dans ma tête. Donc, on parle bien sûr donc de Night of Cups de Terrence Malick, comme on l'a dit. Voilà, je n'ai pas une grande culture sur le bonhomme. Je vais voir les films parce que j'ai la carte illimitée et que les films sont distribués. Mais moi non plus, j'ai pas une grande culture sur le bonhomme. Je connais son cinéma. Mais tu connais son cinéma et tu sais comment apprendre le truc. Lui, c'est compliqué de le connaître parce que c'est quelqu'un de très discret qui fuit les caméras. Donc, on sait pas grand-chose de Terrence Malick. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'à chaque fois, on met une photo de lui, c'est toujours la même depuis 10 ans. Ouais. Que le mec, on n'est même pas sûr de l'endroit où il est né. On sait même pas si c'est lui. Mais je trouve que c'est pas trop. Bah, c'est bien, hein, pour l'époque où tout est oui, parce que chaque film... médiatisé, etc. Et comment chaque film de Malick vraiment... arrive à susciter une attente, hein, malgré tout. Et je pense que justement, le mystère participe. Bah, Terrence Malick, c'est la comparaison. Et il va, oula! Terrence Malick, c'est la Mylène Farmer des cinéastes. Jamais dans les médias. Mais à chaque fois qu'il... J'avais envie de le faire. Mais c'est la même démarche. Même Morgane, non, mais ils sont partis au JB pour moins que ça. Hein. Ok, d'accord, j'avoue. Pour ta non, mais peau, là, je reconnais, Mylène Farmer est mille fois meilleure à Malick. D'accord, c'est bon. Et je l'atteste. Je suis un grand fan. Allez, Tu devais parler de Night of Cups. Oui, parlons de Night of Cups. Dernier film de Malick, hein, comme on l'a dit. Bah, que dire, tu le résumes, ça va être facile. Ah non, mais c'est, je ne peux pas résumer. Donc, comme je ne peux pas vous résumer le film de mémoire, parce que je trouve que c'est pas... Parce qu'il n'y a rien compris. Bah, c'est même pas que j'ai rien compris, c'est que pour moi, le film ne raconte rien, tout simplement. Je ne suis pas idiot. C'est le film qui n'est pas un saint. Donc, je vais vous lire le synopsis, ça va aller très vite. Hein. Il était une fois un jeune prince que son père, le souverain du royaume d'Orient, avait envoyé en Égypte afin qu'il y trouve une perle. Voilà. Lorsque le prince arriva, le peuple lui offrit une coupe pour étancher sa soif. En buvant, le prince oublia qu'il était le fils de roi. Il oublia sa quête et il sombra dans un profond sommeil. Le père de Rick, Christian Bale, lui lisait cette histoire lorsqu'il était enfant. Aujourd'hui, Rick vit à Santa Monica et il est devenu auteur de comédie. Il aspire à autre chose, sans savoir réellement quoi. Il se demande quel chemin prendre. Eh bien, ça tombe bien, nous aussi. Voilà, c'est le gros problème que j'ai avec les deux derniers films de Malick, c'est que pour moi, les deux derniers films de Malick, c'est du contemplatif. Pour être du contemplatif. Alors certes, c'est beau. Malick filme, voilà, un coucher de soleil mieux que personne. Voilà, il y a une grâce dans sa façon de faire flotter sa caméra. Mais ce qui m'avait plu et bouleversé dans The Tree of Life, ce que je ne retrouve pas du tout dans les deux derniers et surtout dans celui-là, c'est que dans The Tree of Life, il y avait des personnages, il y avait des enjeux. The Tree of Life, il était question de deuil, il était question d'une relation père-fils, mère-fils aussi. Et à partir de À la Merveille, donc son dernier film avec Ben Affleck. Ça allait plus loin que ça, hein, quand même. Dans The Tree of Life. Ah oui, non, mais je résume grossièrement, parce que je vais pas faire un... Ça, c'est la base. J'ai envie de crier mon amour pour The Tree of Life, mais j'ai juste envie de foutre un coup de gueule contre le dernier film. Que le problème d'À la Merveille, le problème de Night of Cups, c'est que c'est tous les défauts du bonhomme que je commence à ressentir depuis son avant-dernier film, donc qui était À la Merveille, à savoir, c'est un enchaînement de plans, à la fois nébuleux, un peu too much, j'ai envie de dire. J'avais même dit dans une précédente critique que je trouvais que Malick devenait être un peu has-been, dans sa façon de créer de l'onirisme, de poser des questions métaphysiques qui n'en finissent pas. C'est des chuchotements incessants, ça n'arrête pas. Les acteurs, pour moi, n'incarnent, il y a aucun personnage. Donc, pourtant, il y a un gros cast. Je pense de toute façon, sur le CV, c'est bien de tourner. Je pense que c'est le rêve de tout acteur de tourner avec Malick. Tourner avec Malick, c'est sur le CV, c'est beau et c'est flatteur. Le problème, c'est le rêve ou le cauchemar, hein, parce que Christopher Plummer a quand même dit que plus jamais il ne tournerait avec lui. Je suis d'accord avec lui, et moi je le dis aujourd'hui, plus jamais je ne vois un film de Malick. C'est terminé, Malick, je divorce de lui. Non. Ah ouais, non, parce que je trouve que... Tu dis ça maintenant, mais quand il va sortir une nouvelle bande-annonce, tu vas dire... Mais oui, mais le problème des films de Malick, c'est que j'ai l'impression, et comme À la Merveille, alors, The Tree of Life, c'est pour moi son film ultime, et je pense que, je ne verrai rien de plus parfait que ce film, parce que À la Merveille, ça a annoncé les défauts du bonhomme. Tu vois les anciens? Oui, peut-être que le premier va être génial, en fait. En fait, plus ça... Mais The Tree of Life, voilà, c'est une anomalie, peut-être, il s'est éveillé. Mais À la Merveille, le problème, c'est que voilà, il y avait les défauts du monsieur qui se faisait ressentir, et Night of Cups, c'est les défauts, mais vraiment en 20 fois pire, quoi. Comme j'ai dit, le scénario, pour moi, c'est irrésumable. Là, on nous dit que Christian Bale est un auteur de comédie. Je vais reciter un tweet sur que j'ai lu. Il serait plombier, ce serait la même chose, vu que je trouve qu'il n'y a aucun enjeu émotionnel, pardon. Je trouve que c'est incroyablement long, ça dure 2 heures, c'est pénible, c'est un espèce de sermon avec des questions auxquelles il ne répond jamais, des questions un peu bêtes, enfin c'est un peu bêta quoi, pour moi c'est la métaphysique pour les nuls. Après, le cinéma de Malick, c'est pas un cinéma qui te donne des réponses, c'est un cinéma qui te pose des questions. Ouais, mais j'aime bien quand... Non, mais The Tree of Life, il répond à des questions quand même. Parce que tu fais une interprétation. Oui, parce qu'il nous donne les clés pour que là, il nous donne rien. Il nous montre juste Christian Bale de dos, qui marche. C'est tout. Je résume. Alors, on va peut-être dire que je ne comprends pas. Je parle pas de toi, Eddie, mais j'ai eu un peu des procès sur Twitter, comme quoi je ne comprends pas. Je peux très bien ne pas comprendre. Mais effectivement, le film, je n'ai rien compris. J'ai trouvé ça insupportable. Je l'ai même vu en compagnie du directeur du cinéma d'Art et Essai. Il est venu me voir pendant le film. Il m'a dit, ce film est insupportable. J'ai dit, j'ai envie de sortir. J'avais envie de sortir de la séance. Pour moi, c'est un film qui effectivement est beau pendant un quart d'heure. Mais voilà, au bout d'un quart d'heure, j'ai envie de voir autre chose que des belles images. J'ai envie qu'il y ait un propos, j'ai envie qu'il y ait de l'émotion. Mais je trouve que les acteurs n'incarnent rien, quoi. C'est vraiment une vacuité, en matière de scénario. Il y a vraiment, pour moi, il y a rien, quoi. Pour moi, c'est un coup de gueule. Mais je n'ai aucune, enfin comment dire, j'ai très peu d'arguments pour dire, pour justifier à quel point j'ai détesté ce film. C'est vraiment que je me suis ennuyé et que pour moi le film c'est du vide. Mais c'est vraiment du vide, mais c'est incroyable quoi. C'est, pour moi c'est mon pire film de l'année, mais vraiment. Et j'ose pas trop être coup de gueule parce qu'il est vide et voilà, il me fait peur. Et voilà, peut-être qu'après je suis pas assez, voilà, je suis pas un érudit du cinéma de Malick, voilà, peut-être que j'ai pas toutes les clés de son cinéma, peut-être. Mais en attendant, honnêtement, pour moi, ce film, c'était un calvaire à regarder, quoi. C'est, voilà, tout, c'est du contemplatif, quoi. C'est trop contemplatif pour être contemplatif, quoi. C'est, pour moi, y a rien. C'est un film qui est vide. Pour moi, y a pas de scénario, j'ai besoin quand même qu'il y ait un peu d'émotion, quoi. Et que pour moi, l'émotion visuelle, bah, elle s'atténue. Alors, effectivement, pendant 10 minutes, j'étais là, waouh, c'est beau, c'est magnifique, il y a de la musique classique, on retrouve un petit peu, voilà, le Malick tel qu'on l'aime, mais au bout de 20 minutes, bah, mon regard s'émousse, et je suis là, je me dis, mais, là, voilà, l'image que j'ai vue à 20 minutes et l'image que je vois à 1h50, c'est la même. Pour moi, il n'y a pas d'évolution. Les personnages n'évoluent pas, et les acteurs s'ennuient énormément. Alors, effectivement, c'est beau de tourner chez Malick, mais il faut que Malick fasse, voilà. Il faut que Malick fasse tourner ses acteurs, qu'il leur donne des personnages, parce que je trouvais que, alors autant La Ligne Rouge, j'aime pas trop le film, mais il y avait un propos, voilà, ça parlait de la guerre, il y avait, voilà, tout se mélangeait dans, voilà, c'était le comment dire, le ce que Malick les La Ligne Rouge, c'est l'enfer au paradis, quoi. Oui, voilà, et je trouvais que ça, le rendu était magnifique, même si le film, là aussi, m'avait un peu ennuyé, mais c'est vraiment subjectif ce que j'ai dit, parce que La Ligne Rouge comporte, à mon sens, la plus belle BO de l'histoire du cinéma. La musique Journée to the Line de Hans Zimmer, elle est juste, mais magnifique, c'est une musique parfaite. Et il y avait des personnages, il y avait, voilà. Mais là, je trouve que le cinéma de Malick, c'est complètement désincarné, quoi. Il y a rien, enfin, je m'attache à rien, les acteurs sont ennuyeux, le film est ennuyeux, le scénario est inexistant, et, l'absence de dialogue n'aide pas beaucoup. Et puis, c'est toujours sur le même registre, quoi. Je me suis dit, en voyant le film, je me suis dit, non. À la Merveille, c'était peut-être une petite erreur. Est-ce que je vais voir la même chose qu'à La Merveille? Mais oui, alors pas dans les thématiques, mais les thématiques, le film m'intéressait tellement pas que j'avais même pas envie de me creuser, parce que vraiment ça me faisait chier, quoi, de voir un film pareil. Parce que dans La Merveille, quoi que tu en penses, il y a quand même une ligne. Il y a... On sait de quoi ça parle, voilà. On sait qui sont ces personnages, voilà. Alors que là, ce que tu en dis, c'est pas le cas. Bah honnêtement, le côté... Mais je pense que... Enfin, tu dis que t'as pas beaucoup d'arguments, mais je pense qu'ils sont pas forcément fous. Parce que le problème... alors, je suis fan de Malick, hein. Je pense que le problème, en fait, c'est que Malick fait des films pour lui. Maintenant. Ouais. Bah ouais. Je pense qu'il arrive à la fin de sa vie, et je pense qu'il avait beaucoup de projets en tête, mais c'est quelqu'un qui prend beaucoup son temps. Et je pense que là, il se rend compte qu'il n'aura peut-être pas le temps de faire tout ce qu'il veut. Et donc, il fait le film pour lui parce que c'est pas juste un cinéaste. On est un peu chez le poète, on est un peu chez le philosophe aussi avec Malick. Donc c'est compliqué de. Ça marchait avant, mais plus maintenant. Et je pense que là maintenant, il en est vraiment utilisé le médium du cinéma pour faire ses réflexions, pour les poser, quoi. Comme quelqu'un poserait ses réflexions sur un cahier et du coup je pense que ce qui provoque l'étonnement chez les gens c'est pourquoi on comprend pas ces films, c'est parce qu'ils sont de moins en moins, je pense qu'ils ne nous sont plus destinés, en fait. Ouais, c'est dommage. Et c'est certainement dommage. Après, peut-être que pour les apprécier, il faut essayer de se mettre à la place du réalisateur. Alors, c'est pas forcément facile, je pense. Moi, je sais que, alors, à La Merveille, j'avais trouvé une baisse de régime. Pour le coup, t'es là, t'es au bord de l'anorexie. Hein. J'ai apprécié le film, hein, parce que justement, j'ai essayé. J'ai essayé de me dire, mais pourquoi il me parle de ça? Où il veut en venir et tout? Et il y avait une ligne conductrice quand même dans La Merveille. En sachant que depuis The Tree of Life, il avait déjà amorcé ça dans Le Nouveau Monde, mais c'était Le Nouveau Monde, je pense, avec La Ligne Rouge, c'est les deux films les plus hollywoodiens. Plus accessibles. Mmh. Le Nouveau Monde, c'est l'histoire de Pocahontas, hein, mais c'est la vraie. C'est pas celle de Disney. C'est la vraie de vraie. Et Il est très bien d'ailleurs. Le Nouveau Monde, je pense que tu... Ouais. Après, bon, l'histoire ne te passionnera peut-être pas, Morgan, mais je pense que c'est un film que tu peux regarder. Je pense que tu... là, ouais, là pour le coup, tu le comprendras. non, mais toi qui dis que t'as pas compris. Ah oui, non, mais je. Et à la merveille, là, pour le coup, tu comprendras Le Nouveau Monde. Parce que c'est pour ça que j'en parle poliment. C'est accessible. Parce que voilà, le concours de cerveau, pour parler poliment, sur Twitter, je le vois un peu. Je comprends qu'on aime ce film. Enfin, je comprends. Et c'est vrai qu'on a tendance à m'attaquer. Oui, mais tu peux pas dire que tu n'as pas aimé si tu n'as pas compris. C'est l'argument que je déteste le plus au monde. C'est du ressenti avant tout. Mais non, c'est même pas. Bien sûr qu'on peut aimer parce qu'on n'a pas compris. C'est toujours frustrant de se trouver. Oui, et puis il y a des films auxquels j'ai pas compris. Et The Reflect, la première fois, j'ai eu du mal. Et puis en fait, c'est vraiment plus. Ah, mais moi, la première fois, j'étais pas fan. The Reflect, c'est le premier film que j'ai vu de Terrence Malick. Et j'en suis ressorti. C'était à l'époque où j'allais encore au cinéma tout seul. Et c'était l'une de mes premières séances tout seul. Et je suis sorti de la salle, et sur le chemin du retour, je me dis, mais qu'est-ce que je vais écrire là-dessus? Qu'est-ce que je peux écrire là-dessus? Pour moi, c'était un film qui voulait absolument me faire comprendre que la religion c'était bien et machin. Et en fait, c'est un film qui m'avait intrigué, quoi. Et c'est en le revoyant et en ayant vu, du coup, les autres films du réalisateur, que je me suis dit, mais je suis vraiment un gros niais, quand même, pour avoir pensé ça. Parce que ça va beaucoup plus loin que ça. Et je pense que le problème, en fait, c'est que pour aborder le cinéma de Terrence Malick, déjà, il faut... c'est con, il faut avoir des clés. Aussi. Parce que... Pas partout, moi. Mais c'est pas de ta faute, hein. Mais je pense qu'il faut. C'est dommage. Je critiquais Hunger Games justement, qui était. Je lui reproche justement d'être une pure adaptation qui du coup s'adresse qu'au lecteur. Ben, Terrence Malick, en fait, c'est un peu le problème, c'est que ses films maintenant s'adressent soit qu'à lui, soit qu'à ceux qui vraiment ont essayé de décortiquer un peu son art. Vraiment être sensible à son cinéma, ouais. Mm-hmm. Moi, effectivement, et du coup, c'est ça. Quand tu regardes un film de Terrence Malick, déjà, faut que tu sois dans l'optique de te dire que voilà, c'est pas un film qu'il va falloir que tu comprennes, c'est un film qu'il va falloir que tu interprètes. Donc quand tu vas dans l'interprétation, déjà, faut aussi que tu te mettes en tête qu'il va falloir que tu t'essayes de plancher un peu sur toute la symbolique qu'il va y avoir à l'écran. Parce que The Tree of Life, c'est beaucoup ça. À la merveille, c'est encore plus ça. Et apparemment, là, c'est encore plus ça. Et déjà, voilà. Alors si t'as ça, t'es quand même mieux parti, mais après voilà, tu peux être complètement réfractaire à ce genre de cinéma là parce que moi je pensais que Terrence Malick faisait beaucoup de contemplatif pour le beau, pour que ça soit joli, mais en fait pas du tout, c'est beaucoup plus profond que ça. Rien que, je sais pas, un plan de quand tu regardes à la merveille, par exemple, toute la scène où Ben Affleck et Olga Kurylenko marche vers le Mont Saint-Michel avec la marée qui monte autour d'eux. T'as toujours ce mouvement des vagues qui viennent, qui repartent, et c'est tout con, et c'est une traduction du sentiment amoureux en fait entre les deux personnages. Alors ça, c'est bateau, hein. Mais à la limite, même si t'es pas à fond dans la symbolique et tout, c'est le genre de trucs qui peuvent te sauter quand même aux yeux. Le truc, c'est que maintenant, dans ces films, il va beaucoup plus loin que ça. Donc c'est pas évident à aborder, je te l'accorde. Ouais. Après, est-ce que c'est des mauvais films pour autant? Ben je pense pas, parce que à partir du moment où certains films peuvent parler à un public aussi, c'est pas des mauvais films finalement. Mmh. C'est pas des films ratés, parce que ce que toi tu ne trouves pas dans ce film, d'autres peut-être vont y trouver quelque chose. Et moi, ah oui, c'est vrai que je pense que quand toi t'es sorti déçu et énervé de À la merveille, moi j'en suis ressorti un petit peu terrassé, quoi. Ça m'avait ça m'avait mis le moral à zéro, quoi, À la merveille, parce que c'était une vision à la fois optimiste puis en même temps hyper pessimiste de l'amour. Et à l'époque j'avais pas trouvé mon âme sœur, en plus. Donc du coup tu vois ça, tu te dis c'est bon, je vais finir tout seul avec mon chat, avec mon plateau télé, et puis Regarde Mon Roi de Mai Wen, je pense que ton âme sœur, tu vas t'en écarter. Justement, ça ne m'intéresse pas, et de toute façon j'ai déjà vu Gone Girl, alors au pire je suis voilà. Ah oui, c'est vrai, c'est bon, t'es pareil. Et du coup tu vois, du coup, il y a des choses que tu peux ressentir et d'autres que tu ressentiras pas parce que t'as peut-être pas la sensibilité qui est faite pour ce cinéma-là ou. Mais oui, voilà, le coup de gueule. Enfin voilà, j'ai horreur d'imposer mon avis en disant je suis catégorique, ce film est mauvais. Voilà, pour ça je dis beaucoup de pour moi, selon moi. Non, c'est vraiment pas le genre de cinéma qui me touche. J'ai l'impression que pour moi, vraiment, ça tourne à vide. Même dans ce qu'il veut nous raconter, je trouve ça extrêmement flou. Et voilà, ce côté verbeux qui n'en finit pas. Puis c'est toujours, enfin, j'ai l'impression qu'il tourne toujours à peu près autour des mêmes questions. Non, en fait, il est un peu dans le petit. Il fait des films comme des prières, quoi. Ah bah oui. C'est ça. Et je suis pas croyant, donc je mords. Du coup. Mais moi non plus, je suis pas croyant. Mais je suis pas croyant, mais pourtant tu vois tout le rapport qu'il met à la croyance dans The Tree of Life, il me touche. Ah bah oui, mais oui, parce que ça sert justement. Parce que quand il parle de la croyance, il ne parle pas forcément de Dieu. Évidemment, il utilise Dieu dans The Tree of Life, mais c'est la croyance. Oui, mais c'est large. Tu peux croire en plein de choses. Ce qui est bouleversant dans The Tree of Life, c'est quand, par exemple, il y a juste avant la scène du Big Bang, c'est précédé par Jessica Chastain qui dit « Où étais-tu ?» Donc elle parle à Dieu. Et là, il y a la scène du Big Bang. Et là, on comprend où il veut en venir. Là, au moins, c'est clair. La scène est magnifique, d'ailleurs. Et même au-delà de ça, le Big Bang dans The Tree of Life, c'est la traduction du chagrin de la mère qui vient de perdre son fils. Elle a tellement mal que elle ressent quelque chose d'aussi fort que le Big Bang, quoi. Oui. Et là, c'est pas bêta. Mais tu verras. Enfin, les spoils sur les films de Terrence Malick, t'inquiète d'accord, pas. D'accord. Pas de soucis. Mais du coup, là. moi, j'ai pas vu Knight of Cups, donc je. Rien que le titre, rien quand dire. Quand je l'aurai vu, j'en parlerai, j'écrirai dessus, ça c'est sûr. Ouais. Pour conclure, je dirais que le problème, je pense pas qu'il fasse des mauvais films maintenant. C'est pas des mauvais films. Je pense que le défaut qu'il a, c'est qu'il non seulement il fait des films pour lui. Et du coup, il fait des films que pour ceux qui justement, ils sont sensibles. Et ouais. Pour moi, c'est le défaut de Terrence Malick maintenant. Oui, et là, je rebondis vraiment sur ce que tu disais sur The Tree of Life. On va dire, entre guillemets, c'est vraiment à prendre des pincettes, les délires de Terrence Malick avaient un sens pour moi véritablement narratif. Oui, parce que c'était narratif. Universel dans The Tree of Life. Exactement, c'est une thématique universelle. Le deuil, les rapports. Les rapports père-fils, surtout moi. Voilà, c'est la vie, tout simplement. C'est ce réflexe, c'est la vie. Hein. C'est une symphonie de la nature. Enfin, je veux dire, tout, c'est un ballet magique de Tree of Life. Que je pas, symphonie de la nature, c'est le nouveau monde aussi. Ah bah, du coup, je veux le voir. Parce que j'aime. Voilà, le nouveau monde, c'est beau, c'est l'inconnu, c'est le sauvage face à la civilisation, c'est plein de, mais c'est vraiment très beau. Et dans la ligne rouge, t'as un peu ça aussi. Dans la ligne rouge, il y a vraiment le côté, même la façon dont ils filment. Mais c'est pas conventionnel, quoi. C'est pas les gentils indiens et les méchants anglais. C'est chacun s'apprivoise, quoi. Donc c'est très, c'est super beau. Donc voilà, moi c'est tout ce que je dirais pour rebondir. Je peux pas en dire plus, j'ai pas vu le film. Ouais. C'était juste un peu. Il le défend mieux. Peut-être pour éclairer Morgan un peu. Oui, non. Mais non, mais honnêtement, je parle pas en connaisseur. Et ton avis est important. Après, bon, je pense que voilà, Kate Blanchett doit être magnifiquement filmée. Ah, Kate Blanchett, de toute façon, elle pourrait déféquer dans un seau à champagne, elle serait magnifique. Mais vraiment, avec Kate Blanchett, c'est. Voilà, parce qu'il y a Julianne Moore qui a essayé. Et bah d'ailleurs, et bah si tu crois pas si bien dire, Illumination de moi, Night of Cups, j'ai entendu dire sur cette critique que ça critiquait un petit peu le côté Hollywood. Et là pour le coup, c'est possible. Oui. Et là pour le coup, là on parlait justement de ceux qui critiquent alors qu'ils l'appliquent pas. C'est légitime pour Terrence Malick de parler de ça. Oui. Il est un peu hors des clous. Hors des conventions, il est très autodidacte. Oui, c'est légitime, mais le résultat. Parce que c'est, de toute façon, il sait pertinemment qu'il sera pas produit par Hollywood. Il sera produit que voilà. The Tree of Life, faut remercier Luc Besson. Oui. Il y a que lui qui a misé sur ce film. Et EuropaCorp, pour une fois qu'il faisait quelque chose de bien. Oui. Exactement. Ouais. Alors tu vois, c'est pour dire. Ouais, Luc Besson. Après, il a utilisé des rushs de Tree of Life pour faire son truc là dans Lucille avec. Sérieux? Non, mais bon. Non, je troll un peu parce que Lucille, il y a des. On avait. Non, ils sont moches. Oui. On avait dit que Lucille, c'était un The Tree of Life qui aurait croisé 2001 au-dessus d'espace. Alors là, tu es en train de d'insulter. Ah, bah c'est pas moi qui l'ai dit. Quand il est sorti, The Tree of Life, il y en a beaucoup qui disaient on a peut-être affaire au nouveau 2001. Qui, du coup, est un film qui divise, puis qui, avec le temps, logiquement, devrait gagner en. Et tu as des gens qui trouvent que c'est un. J'avais vu sur un groupe, j'ai l'impression d'être devant National Geographic. Tu vois, comme quoi. Il y a des abrutis partout. Hein, ce film. Oh ouh. Tu n'as pas été juste par la grâce. Pour dire ça, franchement, faut être con. Il y a un peu de troll, évidemment. Moi, j'évite de. Non, je suis pas dans le truc comme ça. C'est plus pur que ça. Mais non, effectivement, non. Night of Cups, en matière d'émotion, j'ai rien ressenti. Juste de l'ennui. Et non, c'est dommage, parce que The Tree of Life, c'est un film qui est tellement parfait, visuellement. Enfin, c'est bouleversant, ce film. Et du coup, on en est. C'est marrant, mais ça va faire une bonne transition avec la suite. Du coup, on est tellement habitué chez Malik à avoir vu des choses très belles et tout, que du coup, quand il y a des déceptions, elles sont d'autant plus fortes. Et c'est un petit peu comme Morgane avec le voyage d'Arlo. Voilà, donc. Justement, dans The Tree of Life, il y a des dinosaures. Ah oui. C'est vrai, donc tu es obligé de le regarder maintenant. Ouais. Oui, oui. De toute façon. La préquel de Arlo. C'est un des films qu'il faut absolument que je vois, je sais. C'est le préquel de Jurassic World. Ok. Avec un dinosaure vert. Ah si, il y a Jessica Chastain. Du coup, je pense qu'on a enfin, on va finir la rubrique des coups de cœur, coups de gueule et découvertes. On a parlé assez de films et assez longtemps. Je ris en différé. Oui. Et, Marianne vient de comprendre la blague. D'accord. Du coup, on va passer au film du mois. Donc, comme tu l'as dit, Eddie, on va parler du Voyage d'Arlo. Donc nous sommes à la rubrique du film du mois, donc ce mois-ci on va vous parler du Voyage d'Arlo, comme je l'ai dit juste avant, le petit numérique. Et c'est la première fois qu'un film, le film du mois est un film d'animation. Et pas le meilleur. C'est bien d'avoir des films d'animation en film du mois quand même. Mais je pense de toute façon qu'en 2016, on aura beaucoup de films d'animation en film du mois, vu ce qui sort. On en a les Indestructibles 2, enfin en tout cas si on parle des Pixar, hein. Même le prochain Disney. On parlera forcément des Pixar. Oui, et puis le nouveau Disney, là, comment il s'appelle Zootopie, pardon. La bande-annonce, on en parlera dans le prochain Parlons Cinéma, je pense, mais alors là, c'était génial. Exactement. Ouais, voilà. Donc on aura, bon, parlons d'eux. Ouais. Bah, l'année 2015 était aussi chargée en film d'animation. On a eu des bonnes choses, Ouais, on a eu des mauvaises choses aussi, hein, mais. Ah oui, on va en parler. Donc, Le Voyage d'Arlo, qui est sorti en France et aux États-Unis à la même date, ça c'est assez étonnant, le 25 novembre 2015, qui est réalisé c'est une première fois, une première réalisation pour Peter Sohn, qui était chez Pixar depuis un long moment, mais qui n'avait jamais réalisé. Un court métrage. Oui, voilà, il avait réalisé un petit court métrage. Et il faisait des voix, il était acteur doubleur, il me semble. Aussi, ouais. Donc, le truc c'est que. Ouais, le truc, c'est que avant de même de dire le nom des acteurs, je vais dire le nom des scénaristes, parce que c'est un des problèmes du film et on va pas l'attaquer tout de suite. Mais il faut quand même que je dise. Donc il y a 5 scénaristes, dont Peter Sohn, Eric Benson, Meg Le Fauve, Kelsey Mann et Bob Peterson. Voilà. Donc il y a 5 scénaristes pour le film. On essaiera d'expliquer pourquoi plus tard. Ouais. Je pense qu'on l'a tous vu en version française. Oui. De toute façon, moi, les films d'animation, c'est VF. Je peux pas les voir en VO. Sauf que là, bon, donc c'est un illustre inconnu qui double la voix d'Arlo, donc Jean-Baptiste Charles. Et insupportable d'ailleurs. Il y a eu un reportage sur lui avant le film. Enfin, oui, parce qu'il fait partie du casting Disney, là, ouais. C'est ça. Hein. D'ailleurs, c'est Quentin avait participé à ce casting. C'est vrai. Et il aurait dû être choisi. Bah, ils ont dit qu'en fait, il avait une voix trop, trop grave. Infantile. Bah oui, alors qu'il recherche. Alors, c'est paradoxal. Parce que Quentin, il parle comme ça. Mais non, mais c'est surtout qu'ils ont dit qu'ils ils castaient des jeunes entre 11 et 16 ans. Comment ils veulent qu'un ado masculin de 16 ans ait une voix un peu d'ado capable. Enfin, c'est normal, enfin, à 16 ans, si l'ado a une voix aiguë, je m'inquiète pour lui quand même. Quentin n'a pas été pris. C'est un des deuxièmes problèmes du film, j'en parlera plus tard. On trouve aussi Eric Cantona, Xavier Fagnon. Xavier Fagnon, qui c'était l'anniversaire la semaine dernière et qui est pour moi un des plus grands doubleurs du cinéma français. Du coup, Richard Darbois, oui, aussi. Et puis après, il y a pas mal d'autres acteurs qui sont pas super connus, donc je vois pas l'intérêt. De citer leur nom. Ah, il y a Antonio Banderas. Ah non, je suis sur l'affiche de Night Live. Pardon. Antonio Banderas. Non, je crois pas. Le voyage d'un homme. Le dinosaure. Putain. Du coup. C'est parti. Désolé. Il s'est retenu pendant une heure et maintenant. C'est bon. C'est bon, désolé. Un peu de fatigue. Allez. Qui c'est qui veut commencer par en parler? Donc, Le Voyage d'Arlo, film de dinosaures, c'est Pixar. Donc, film que je devais voir, évidemment. Non seulement parce que Pixar plus dinosaures, c'est une addition qui fonctionne chez moi. Il y a marqué Eddie sur la fiche. En gros, c'est ça. Donc, du coup, Le Voyage d'Arlo, que Morgan va qualifier de pâle copie du Roi Lion, ça on le sait. Et de Nemo. Et des Croûtes. Oui. Ouais. Oui, bon, ça va. Le Voyage d'Arlo, alors moi, c'est un film que j'attendais beaucoup. Parce qu'ils ont fait vraiment de belles bandes annonces. Ouais. C'est vrai que Et ça fait 3 ans qu'ils l'annoncent déjà. Ça fait 3 ans qu'ils l'annoncent. Ouais. Et ben justement, le problème, c'est quand tu le sais. Parce que voilà. Tu te dis, 3 ans pour. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour avoir un film qui. Qui est pas. Alors que moi je ne trouve pas mauvais, mais qui, du coup, tu t'attends. Enfin, au bout de 3 ans, tu t'attends quand même à autre chose. Le souci, c'est que c'est Pixar. C'est ça. Si c'était voilà. Une boîte, voilà. Ça aurait été un très bon film. Ça aurait été du DreamWorks, bon. Voilà, c'est ça. Et puis encore, non, parce que DreamWorks, je trouve qu'il remonte bien depuis quelques années. En route, enfin, je l'ai pas les vu, Croûtes, mais. Non, c'était bien. Hein. Les Croûtes, c'est vachement beau. Dragon, surtout. Dragon, ouais, ouais, ouais. Donc du coup, oui, alors moi c'est un truc que j'attendais beaucoup et j'ai été un petit peu déçu sans avoir détesté le film, parce que pour moi le film est pas mauvais. Il y a de bonnes choses, il y en a d'autres qui sont un petit peu moins bien. Alors déjà, et là Morgan à mon avis va rebondir tout de suite, visuellement. Alors, c'est pour moi, visuellement, on frôle la perfection. Ça je préfère le dire. Ouais. Mais alors, quand je dis on fond de la perfection, c'est au niveau des paysages. Oui. La première vision de l'eau ou des arbres, c'est. Moi, c'est pas compliqué. Il y a des moments dans le film, je savais pas si. Enfin, on peut confondre des vrais paysages et des faux paysages. À un moment, j'ai cru que je regardais dinosaures. Oui. Parce que j'avais l'impression que c'était des prises de vue réelles. Ouais. Donc, on a ces paysages ultra réalistes. Là, franchement, l'eau est très bien gérée, on y croit vraiment. Mmh. Surtout que finalement, les personnages se retrouvent beaucoup dans l'eau, en plus. Il y a une mise en scène qui est intéressante, beaucoup de plans larges. Alors, c'est un film, c'est de la grosse aventure, on filme les grands espaces. Et ce qui est vachement bien, c'est que du coup, c'est tellement bien fait, tellement bien mis en scène que t'as vraiment l'impression qu'il filme dans de vrais décors. C'est ça qui est surprenant. Ouais, c'est fou. Alors qu'on est dans un film d'animation, donc rien à voir a priori. Et à côté de ça, et ben du coup, on a des dinosaures cartoon, au design cartoon, qui contrastent vachement. Ce qui est en soi pas un défaut, c'est une bonne idée, moi je pense. Ouais, alors même si pour le coup. Alors ça, d'habitude, c'est l'argument d'Axel. Même si pour le coup, je trouve que ces designs, c'est pour faire vendre des peluches. Ouais. Ça, je pense ça c'est clair et net. Hein. Quand j'ai vu ce petit Arlo, je me suis dit ah, Noël approche bientôt. Ouais. C'est... Voilà. Et donc du coup, il y a ça. Alors moi, ça me gêne pas le côté cartoon non. Parce que c'est vrai qu'en même temps, les dinosaures, ceux qu'on voit, ils sont quasiment tout le temps pareils. Ouais, ils sont tout le temps très réalistes et tout. Voilà, donc c'est vrai que les faire de manière un peu plus cartoon, pourquoi pas. Parce que je sais pas si vous avez vu le film de Don Bluth, le petit dinosaure. Toute la série des petits pieds. Ah oui, c'est, le premier est magnifique. Oui, ah, il est très très beau le premier. Avec la, la musique de Diana Ross, c'est fort. Et j'ai volé. Oui. Bah c'est ça, c'est aussi. Et du coup, oui, c'était de l'animation, mais on était quand même dans un design assez réaliste des animaux. Ouais. Donc là, c'est vrai qu'ils prennent le choix, ils font le choix de faire des dinosaures qui sont pas hyper réalistes. De toute façon, le film est une aberration scientifique. Paléontologique, mais ça, ils s'en fichent. Parce que tu verras jamais Et puis c'est pas ce qu'on recherche vraiment. Voilà, normalement, la race de d'Arlo n'a pas la capacité de courir, hein, vu leur poids. Oui. Donc du coup, on a ça. Moi, il y a quelque chose que j'ai vraiment bien aimé dans le film, parce que c'est vrai que le scénario est mince, et c'est vrai que ça fait beaucoup penser au Roi Lion. C'est vrai que dans ce qui te fait penser au Roi Lion, c'est moins bien que dans le Roi Lion, parce que c'est beaucoup plus aseptisé. Je sais pas si on spoil ou pas. Faudrait éviter. Ce serait bien de pas spoiler, parce que comme il est sorti il y a pas longtemps... Il y a peut-être beaucoup de gens qui l'ont pas vu encore, donc on va essayer de pas spoiler. En gros, c'est qu'il y a une scène qui fait beaucoup penser au Roi Lion. Voilà. C'est une scène qui se trouve au début, c'est ce qui va déclencher un petit peu le voyage justement de Arlo. Il y a même deux scènes. Oui, comme ça. Bah moi, il y en a vraiment une qui m'y fait penser. Et non, on va dire que dans le Roi Lion, c'est très frontal, c'est brutal, c'est ce qui crée l'émotion en fait chez les enfants. Chez les adultes aussi du coup. Alors que là du coup dans le film c'est plus aseptisé quoi. Dès que le moment fatidique arrive, hop, on arrive pas un fondu au noir mais on a un cut au noir quoi. Ouais, un cut au noir. Donc bon, c'est vrai que c'est de ce côté-là le film est un petit peu aseptisé. Mais bon, après, on n'allait pas avoir du sang. Non, bien sûr, mais c'est vrai que... Quoique dans là-haut. C'est vrai, étant donné que le film fait penser au Roi Lion, on pense du coup aux films qui sont de la même génération. Ouais. Et c'est vrai que tu te rends compte que c'était un petit peu plus... on n'avait pas peur d'en montrer un petit peu plus aux enfants, et ils s'en sont pas ressortis traumatisés pour autant. Enfin, je pense qu'on est tous sains d'esprit, nous trois déjà. À peu près. Voilà. Morgan un petit peu moins, mais ça, on a l'habitude. Je réponds pas à ça. Non, ne réponds pas. Donc voilà, moi ça m'a un petit peu gêné, mais ça je suis un peu tétillon, je pense. Par contre, moi il y a quelque chose qui m'a plu, c'est que ils prennent le parti en fait de ils prennent l'idée que ben, finalement la météorite qui a heurté la Terre il y a 65 millions d'années, dans le film, elle ne l'heurte pas, justement. Elle ne l'heurte pas. Et les dinosaures continuent de vivre. Et du coup, comme les humains continueraient. Techniquement, c'est impossible parce que c'est l'extinction des dinosaures qui a permis aux mammifères de se développer. Le film s'en fout de tout ça, mais du coup. Mais je parle au niveau de leur travail, au niveau de ce qu'ils font pour vivre. Et du coup, c'est vraiment marrant de voir. C'est ça. Alors c'est vrai qu'au départ, on pense qu'ils vont partir un petit peu dans un trip à la Dinotopia. Moi, ça me faisait un peu peur. Premières images, premier moment du film. Je me suis dit, c'est bizarre comme idée, faut voir comment ça va se développer. Ça va plutôt bien après, je trouve. En fait, voilà, ils prennent l'idée que du coup, l'espèce dominante, bah, c'est les dinosaures. Et de toute façon, s'il n'y avait pas eu de comète, ce serait toujours les dinosaures. Donc, ce serait des dinosaures qui feraient ce podcast. Peut-être. Non, et je pense pas qu'ils auraient été évolués au point de se perfectionner dans l'agriculture et compagnie, mais ils seraient, enfin je veux dire, ce seraient eux les rois quoi. C'est sur Terre, c'est eux qui feraient la chaîne alimentaire, ce seraient les patrons. Donc là moi je trouve ça intéressant dans le film parce que finalement c'est assez drôle de placer le spectateur dans la peau du dinosaure en gros. Oui. C'est à travers les yeux du dinosaure qu'on va vivre cette aventure et finalement le petit être humain Spot et puis du coup ses congénères sont plus proches de l'animal que de l'humain. Donc ça c'est vrai que c'est un choix assez surprenant qui au départ peut paraître un peu casse-gueule mais finalement c'est ce qui permet à toutes les thématiques de bien fonctionner parce que c'est vraiment un film justement qui est à l'échelle de dinosaures et ça c'est cool parce que on le voit pas souvent mais c'est une scène toute bête, c'est une scène comique, mais une scène, la scène où Harlow veut manger les baies là, dans l'arbre. Ouais. Bah, pour un humain, c'est pas compliqué, tu grimpes à l'arbre, tu manges. Pour lui, c'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus laborieux. Donc, c'est des petits trucs comme ça, je trouve, qui fonctionnent bien. Après, voilà, c'est vrai que le film est très simplet. C'est un film pour enfants. C'est un film. C'est un joli film, c'est un film familial, mais c'est vrai que de la part du Pixar, on aurait pu en attendre plus. En citant les scènes d'humour, maintenant tu m'as fait penser à quelque chose que j'avais pas marqué et que je viens d'y penser en fait. Il n'y a pas énormément d'humour dans ce film, c'est peut-être un des soucis. C'est que j'ai pas vraiment rigolé devant le film. Alors normalement, y a des petites répliques qui passent bien, il y a des petits passages drôles, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de scène comique. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas vraiment de scène comique comme il y a d'habitude. Et je trouve que ça, il y a un petit manque sur ce niveau-là. Donc, du coup, ouais. Vas-y, tu peux continuer. Donc, voilà, en gros, c'est ce que je voulais dire. Et après, moi, il y a quelque chose que, voilà, je vais casser, qui est marrant aussi. C'est que, bon, les dinosaures sont tellement. C'est l'espèce dominante au point de pouvoir cultiver la terre, élever des troupeaux et tout. Et du coup, les dinosaures entre eux ne se mangent pas. C'est ça qui est assez surprenant, c'est vrai que c'est un bouleversement de la chaîne alimentaire et tout, donc voilà, il y a des... En gros, c'est un film qui a plein d'idées, qui va au bout de certaines ou qui va pas au bout d'autres, dans son ensemble, qui est pas déplaisant, parce que c'est vrai qu'il est... Voilà, mais ne serait-ce que visuellement, quoi, je veux dire, c'est quand même un spectacle de chaque instant. Visuellement, c'est le film le plus impressionnant... Enfin, le film d'animation le plus impressionnant de l'année. Hein. Oui, même, c'est vrai qu'on parlait de Vice-Versa, mais alors là, on est quand même... On est un cran au-dessus. Ah oui, on est au-dessus, et voilà, pour moi, ils ont franchi un cap, quoi. J'ai jamais vu des décors... des décors aussi beaux et aussi... aussi réaliste et en même temps assez enchanteur pour être dans un film d'animation. C'est ça qui est fort en fait, c'est que à la fois c'est beau, c'est vrai, mais en même temps tu sais que ça dessert vraiment cette histoire d'amitié, de magie un peu et tout. Donc c'est très voilà, pour moi visuellement pour moi c'est une réussite. C'est bluffant, quoi. Moi, j'ai été vraiment sur le cul tout le long. Je le reverrais vraiment rien que pour revoir ça, quoi. Après, le film est ce qu'il est. Il plaira certainement aux enfants. Les adultes s'ennuieront peut-être un petit peu plus, même s'il y a des thématiques quand même qui sont fortes. Ouais. Mais je pense que voilà, c'est pour les enfants, voilà, de la génération d'aujourd'hui qui connaissent pas forcément le Roi Lion. Bah, peut-être que le voyage d'Arlo peut avoir un impact, même si du coup c'est plus aseptisé. Donc c'est voilà. Moi c'est en gros c'est. Voir les mignons. Sûr. Vaut mieux voilà. Ah bah oui non complètement. Mais Morgan rejoindra mais sur ce point-là, c'est tout. C'est pas et puis c'est pas un film qui prend les gosses pour des cons, quoi. C'est que Arlo il est quand même confronté à plein de choses dures et puis toute la scène où il explique à Spot ce qu'est une famille, tout ça c'est. Ça me touche quand même et je suis content de voir que voilà, il y a quand même Pixar qui est là et qui veille au grain par-dessus tous ces films d'animation qui sortent chaque année et qui prennent un peu les enfants pour des débiles. Et ben eux non quoi, ils sont là, ils sont capables de montrer des choses fortes et voilà. Donc bon, c'est tout ce que j'ai à dire. Ouais. OK. On va laisser la voix contestataire parler. Bah justement, donc, l'option si les enfants connaissent pas le Roi Lion, c'est de regarder le Roi Lion. Là, la solution est de ne pas emmener voir les enfants voir le voyage d'Arlo, qui pour moi est une catastrophe indigne des studios Pixar, mais vraiment. Alors, quand je disais que visuellement c'était pas beau, les décors sont magnifiques, non, tu peux pas dire les paysages sont sublimes. Et voilà, vraiment, parce au début, que c'est vrai que quand tu m'as dit la première fois c'est fade, ah non. Non, je parle vraiment de l'animation des dinosaures. C'est extrêmement lisse et extrêmement sommaire finalement. Par contre, mais t'as vu au niveau des articulations, au niveau de, enfin, tu vois, quand il se fait mal, tu vois un peu la peau rougée, comme, enfin, qui rougit. Il y a quand même quelque chose. Je trouve, c'est pas non plus complètement. Il y a une recherche. Hein, C'est vachement moche, moi. Mais c'est vraiment le contraste avec les paysages qui sont magnifiques et c'est pour ça que le film. Mais de toute façon, ça c'est un vrai choix artistique, hein, de faire des paysages ultra réalistes et de mettre des dinosaures comme ça. Hein. Voilà. Il y a une vraie volonté derrière, hein, donc. Après, j'ai un souci avec le scénario du film, qui pour moi, une fois de plus, hein, là, on passe derrière Vice Versa, donc Vice Versa qui est pour moi un des meilleurs Pixar, et je pense que Le Voyage vers l'eau, c'est le Pixar que j'aime le moins. Même Cars, que j'aime pas beaucoup, c'est peut-être le Pixar que j'ai détesté le plus. Là, Arlo vient de voler la place sans problème. Oh, j'ai un vrai problème avec le scénario parce que je trouve... Non, parce que dans... Non, je suis pas d'accord du tout, parce que... Cars, le propos est dégueulasse, quoi. Je parle pas en matière de propos, je trouve juste en matière de rythme, en matière de personnage. Je trouve Arlo, je trouve pas attachant, déjà. Et le problème, mais c'est peut-être à cause de la voix. Ce décalque permanent de oui, tu l'as dit, du Roi Lion, c'est même pas un décalque, on est clairement dans le plagiat, même si c'est totalement assumé, je pense. Le problème, c'est que nous refaire des scènes. Je pense qu'ils avaient l'ambition de faire un film qui a la même portée. Ouais, mais le problème, c'est que voilà, il y avait l'ambition, mais est-ce que. Ça se sent. Personnellement, pour moi, le résultat, il n'y est pas du tout. La scène, une des scènes qui rappelle le Roi Lion avec le papa, dans le Roi Lion, c'est larmes assurées. Là, honnêtement, on voit que c'est la même chose, donc du coup, moi, l'émotion ne prend pas, vu que je sais anticiper le truc, parce que le Roi Lion, honnêtement, la première fois que je l'ai vu, je me souviens encore, souvenir de gosse. Après, c'est vrai que je sais que c'est pas facile, mais faut... moi, je sais que quand je vais voir un film comme ça, j'essaie de me mettre dans la. C'est l'enfant qui est en moi qui ressort, quoi. C'est comme ça que j'essaie de vivre les films d'animation. Exactement pareil, mais moi, ce que j'aime chez Pixar, c'est quand ils tentent des choses, et Vice Versa, quand même, était un film mais magnifique de maturité, de parler sous un aspect un peu grand public d'un sujet aussi délicat que la dépression. Je trouvais que là, ils avaient franchi un cap en termes d'ambition. Là, ils reviennent à un truc beaucoup plus classique, mais le problème, c'est que ça prend pas, quoi. Le scénario, les personnages, je trouve pas intéressant. Le décalque du Roi Lion, encore une fois, me dérange. Je veux dire, ça va même jusqu'aux trois, aux espèces de, des ptérodactyles qui ressemblent. C'est la même chose que les hyènes du Roi Lion. T'as l'abruti, la hargneuse et puis le gars entre deux. C'est exactement la même chose. Et le Roi Lion, ça me fait rire. Que là, non, quoi. Je me dis, non, ça me dérange. Le monde de, il y a aussi un. Mais c'est pareil. Ils sont dérange, pas censés... Oui, mais là, les trois pteras, là, ils sont pas censés être drôles. Ils sont censés être méchants. Dans le Roi Lion, les hyènes, elles sont bêtes, quoi. Celle qui est doublée par Whoopi Goldberg. Shenzi, voilà, elle est extrêmement hargneuse, quoi. Quand tu la vois attaquer Simba sur le crâne d'éléphant. Elles sont à la fois les personnages méchants, mais le running gag du film aussi, au même titre que. Il y en a qu'un qui est comme ça. Oui, mais Scar, il a ses Troyennes, et puis Mufasa, il a Zazu, et puis Simba, il a Timon et Pumba. Enfin, c'est un peu. Oui, mais ça fait moins bien, je trouve, ici. Ici, ça fait carrément bien, parce que je trouve que c'est clairement. Pour moi, il n'y a pas vraiment d'imagination, quoi. Pour moi, c'est pas recherché du tout. Visuellement, si. J'ai juste le problème avec le design des personnages en eux-mêmes. Honnêtement, sur les décors, Mais ça, c'est personnel. Enfin, oui, voilà. C'est sûr que. Mais c'est ça, quoi. Sur les décors, honnêtement, j'ai rien à dire. C'est pour ça que j'ai mis un 1 sur 5. Mais vraiment. Même la musique. Mais la musique. Attends, t'as quand même des sonorités. Moi, j'adore ça. C'est un film qui fait vraiment appel au primitif dans tout ce qui est. Et c'est pas facile en plus d'évoquer ça parce que on est dans un monde qui évidemment s'en écarte de plus en plus. Mais c'est pas des sonorités qu'on retrouve facilement et tout. Moi, je trouve que vraiment c'est un film qui entre son visuel, le sonore. Après, ça pêche vraiment au niveau de l'histoire. Ça, je suis d'accord, mais toute la forme pour moi c'est super beau, quoi. C'est digne d'un Pixar, c'est réussi en matière de scénario, pour moi c'est indigne par rapport à Vice Versa pour moi. Et hey, mais pourquoi toujours le comparer à Vice Versa? Parce que je me sens obligé de le faire vu que j'ai l'impression qu'il mais alors au pire tu vas le comparer avec Monstres et compagnie, à chaque fois qu'on voit un Pixar, mais faut le comparer avec ce qui est comparable chez Pixar. Vice Versa et Le Voyage d'Arlo, ça n'a rien à voir. C'est pour ça qu'on parle de là, on a parlé de là-haut justement parce que les deux sujets se rapprochent plus, parce que tu peux, à la limite compare sur Nemo justement, tu disais que ça plagie Nemo. Je pense que désolé Morgan, j'ai pas envie d'être méchant, mais je pense que là tes arguments auront plus d'impact, quoi. Mais en comparant sur Nemo, non, sur le Roi Lion, d'accord, mais que... non, je compare deux films. Je compare deux films que qu'un des c'est vraiment le meilleur studio d'animation nous a sorti. Ah oui, d'accord. Cette année. Vraiment par rapport à ça, il y en a un qui, il y en a. Et que là, dans la même année, ils sortent le meilleur. Comme exactement, le voilà. Ouais. En maintenant, en matière de scénario tout ça, je compare au Roi Lion. Il n'y a pas eu les mêmes soucis. Animo et un peu au Croods, mais les Croods vraiment anecdotiques. Les Croods, c'est vraiment. Les Croods, c'est un petit peu n'importe quoi, mais c'est fun. Ouais, voilà. De quoi? Ah, le film des Croods. Ah oui, je croyais que tu parlais de. Non, les honnêtement, sur la comparaison avec les Croods, bon, c'est pas non plus le plus. Honnêtement, c'est par rapport au Roi Lion et même par rapport à Nemo. Bah, oui, non, mais c'est vrai que Spot fait beaucoup penser à un des personnages des Croods. Maintenant, le voilà. Petit humain du Voyage d'Arlo. Je suis déçu de voir qu'on nous sort un film d'animation pour moi est vraiment. Je déteste vraiment ce film. Je trouve pas du tout imaginatif, mais du tout. Et moi, je m'en tiens vraiment à l'histoire, au scénario. Non, j'ai un problème avec ce que le film me raconte, parce que non seulement je l'ai déjà vu 20 fois, et après, je ne compare pas les films en matière technique par rapport à vice versa, c'est juste en matière de propos. C'est un western aussi. Oui. T'as un côté très western, je trouve. Oui. Et road trip. Mais les T-Rex sont très cow-boys, enfin, je trouve, après. Ouais, ouais, ouais. Mais après, si je fais appel à mes émotions d'enfant, je trouve les personnages pas attachants. Je trouve qu'il y a un gros passage à blanc à partir du moment où il rencontre le dinosaure doublé par Richard Darbois. Et d'ailleurs, la comparaison avec Nemo, justement, ça fait penser au gros requin dans Nemo. Enfin, je veux dire, c'est la même voix. Ah, ça, c'est bien, hein. Voilà. Non, mais voilà. Voilà, j'adore Pixar. Je les aime. Mais pour moi, ça, c'est vraiment. Pour moi, c'est un ou deux, quoi. C'est. Tu l'as dit. Je pense que si ça venait pas de Pixar, je pense que je serais plus indulgent avec le film. Ouais. Peut-être. Mais là, venant de Pixar, qui cette année m'ont sorti pour moi des plus grands films d'animation, peut-être même de tous les temps, parce que je considère ça, mais c'est foisonnant d'intelligence, d'émotion et tout. Ouais. Là, j'ai rien senti, quoi. J'étais complètement passé. Et rien du tout. Rien. Même pour, enfin, moi, c'est le seul moment où j'ai vraiment ressenti quelque chose devant le film de fort. C'était le moment où il explique pour les la famille, etc. Moi, je suis désolé, mais moi ça me touche, quoi. Et de toute façon, j'ai eu les larmes aux yeux dans le film. Mais, oui, pareil. Je sais pas ce qui t'arrive, Morgan. Ah non, mais c'est ouais, je sais pas. Mais c'est surprenant, parce que c'est surprenant que tu détestes à ce point. Ah ouais, non, mais après, par rapport à la comparaison... Sans avoir été hyper charmé par le film, mais... Ah non, c'est un film. Ouais, mais moi, j'ai été un peu déçu en sortant de la salle, mais j'étais pas non plus en train de détester le film. Je pense qu'on avait des grosses attentes aussi. Voilà, c'est ça, et puis moi, j'attendais plus 3 ans. Même pas, moi. Je l'attendais pas tant que ça, parce que... Puis même, le récit initiatif, tout ça, il n'y a rien de neuf, quoi. Il y a vraiment tout est. Mais, c'est pour moi, c'est mais au cinéma, il n'y a rien de neuf. C'est toujours les mêmes histoires au cinéma. C'est juste raconté différemment. C'est le traitement qui a un. Justement, mais quand on pioche un peu sur plein d'autres films, plutôt que. Si on les utilise en tant que référence, pourquoi pas, mais refaire les mêmes scènes, pour moi, non, je ne peux pas. Non, ça, je n'y arrive pas. Refaire les mêmes scènes que le Roi Lion, refaire à peu près les personnages, même jusqu'aux personnages, pour moi c'est clairement un manque d'imaginaire, quoi. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Nemo par exemple, Nemo le Roi Lion, il y a un lien quand même. Mais c'est vraiment discret, quoi. Sur le deuil et tout. Nemo a perdu sa mère, etc. Enfin, je veux dire, le Roi Lion, c'est. Mais voilà, ça s'arrête là. Mais ils refont pas les mêmes. Non! Pour moi, Pixar, c'est des génies en matière d'inventivité et visuellement, ils arrivent toujours à créer. Même sur des films que j'aime moins, là-haut, techniquement, le film est juste sidérant de beauté, mais là, non, ça passe pas. Honnêtement, je pense qu'en termes de visuel, ils vont avoir du mal à dépasser ce qu'ils ont fait avec Arlo. Hein. Ouais. Pour les paysages et tout. Hein. Pour les paysages, je suis d'accord, mais après, c'est les personnages. Mais les personnages en eux-mêmes, moi, là, je ne suis pas attaché. Et l'émotion totalement abstraite, quoi. Et pourtant, ils essayent, hein. Ils essayent de créer un peu de pathos, si je puis dire. Même si que ça prend pas, quoi. Enfin, moi, personnellement, sur moi, ça a pas pris. D'accord. Et dans ma tête, j'avais vice versa. Je me disais, non, mais comment ça se fait que vice versa? Je me sens plus rien, quoi. Mais j'ai l'impression que ça a complètement faussé le truc. Bah non. Ouais. Bah, à chaque fois. Tu te dis, dans ma tête, j'avais vice versa. Oui, alors que moi, j'ai vu le film, j'avais pas vice versa. Moi, j'avais Arlo dans la tête. Bah non, mais moi, ça ouais, m'a moi, j'ai, enfin, j'ai été voir Le Voyage d'Arlo, très bon film en juin, je crois qu'il est sorti vice versa. J'avais vu un très bon film cet été, puis j'ai vu un autre film au mois de novembre, quoi. Donc, enfin. je sais pas, je sais pas, j'arrive pas à comprendre, ouais. Je sais pas. Ah non, parce que c'est Pixar. Tu es une énigme. Non, mais c'est parce que c'est Pixar que le prochain film Disney, je suis sûr que t'en as, ils vont penser aux nouveaux héros, ils vont dire est-ce que c'est moins bon, c'est meilleur que. Mais c'est toujours comme ça. Mais quand j'ai vu les nouveaux héros, j'ai pas pensé à la Reine des Neiges. Bah, moi si. Mm. Bah, pas moi. Mais à chaque fois que je vois un film d'animation signé Disney, je le compare au précédent. Je me dis, pas. Alors, je compare vraiment. Quand je vais aller voir Star Wars, je vais penser aux autres. Parce que c'est au sein d'une franchise, mais quand c'est. D'accord, c'est. Oui. Mais quand j'ai été voir Jurassic World, j'ai pas pensé à Fast and Furious, alors que c'est le même studio, tu vois. Non, mais c'est ça en fait que oui, c'est ça que je comprends pas, Morgane, en fait. Non, mais parce qu'en matière d'animation, voilà, Pixar. Non, c'est vraiment en matière d'animation pure, quoi. C'est peut-être un peu bête ce que je vais dire, mais Pixar fait que de l'animation. Universal font des films live. Moi, je sais pas. C'est vrai que c'est pas forcément. Je vais avoir tendance à comparer après, mais pas pendant le film, quoi. Non, attendez, on a mal interprété le truc. Non, pas pendant, mais je l'ai quand même en coin. Avant de voir le film, je me dis, j'espère que, c'est ce que j'avais dit avant de voir le film, et tout le monde l'avait dit. Après, je me dis ça, j'espère que Pixar vont encore me, je dis pas que je voulais une claque, je voulais un film qui, même je savais que j'allais pas voir un film qui allait autant me plaire, mais je voulais un film d'animation qui est au moins, quand même pour moi, avec Vice-Versa, ça y est, putain, Pixar repart de plus belle, quoi. Parce qu'il y avait des moments monstres académiques, pas terribles, voilà. Mais là, honnêtement, non, en matière d'animation, c'est le jour et la nuit. Mais je compare pas les deux films, ils n'ont rien à voir, effectivement. Mais comme ça reste de l'animation, effectivement, j'ai tendance à peut-être plus les mettre dans le même bain, si tu veux. Et quand je vais voir un Disney, je compare pas dans la thématique, dans ce qu'on me raconte, c'est vraiment dans ma subjectivité, est-ce que moi j'ai préféré celui-là ou celui d'avant. Mais sans comparer les deux films, je compare ce qui est comparable. Arlo, j'ai fait le lien avec Le Roi Lion et Nemo, et un peu les Pousses, mais plus Le Roi Lion, c'est tout. Et effectivement, Le Roi Lion, là si on me demande de comparer au Roi Lion, forcément, Arlo, je suis obligé de détester encore plus. Pour moi, Le Roi Lion est un des plus grands films de tous les temps. Pas Disney, un des plus grands films de tous les temps. D'accord. Faut encore que je parle d'Arlo. Ah oui, c'est vrai. Donc je vais faire très rapide hein, parce que j'ai aussi intervenu durant cette partie. Donc du coup rapidement la réalisation, je l'ai trouvée très très bonne. Bon, c'est un premier film, c'est pas parfait, mais vraiment comme t'as dit aussi, on a vraiment l'impression que c'est filmé en décor réel. Et oui, au niveau des mouvements de caméra, etc. C'est ouais, c'est impressionnant. J'ai tout le temps en tête, hein. Ça va faire une semaine que je l'ai vu. Mais sinon, l'animation, comme je l'ai dit, moi j'ai vraiment adoré l'animation, que ce soit des mouvements des dinosaures, la façon dont ils bougent, la façon dont ils s'expriment, j'ai vraiment apprécié. Et puis même les mouvements de la nature, etc. C'est super beau. D'ailleurs, le film, c'est vraiment une ode à la nature. C'est ça, oui. Une ode à la nature, comme tu as dit. Il y a vraiment une symphonie visuelle, je crois. Ouais. C'est vraiment hallucinant de réalisme, comme je l'ai dit avant. Ils sont aussi amusés pour certaines séquences. Franchement, j'étais assez surpris de voir ça chez Pixar, avec la scène. Ça dure pas très longtemps, mais c'est avec les baies, je crois, qui mangent à un moment. Et c'est comme s'ils avaient pris de la drogue. Et il y a une scène complètement hallucinatoire qui est complètement dingue. On se demande d'où ça sort, mais ça dure juste assez longtemps pour qu'on le remarque, mais pas pour que ça devienne énervant ou un peu rébarbatif. Au niveau des acteurs, la VF est sympa, mais par contre il y a un vrai problème au niveau du personnage d'Arlo. Moi j'ai pas accroché à sa voix, elle m'énervait pendant tout le film. C'est un des soucis, je pense, du film. Je sais pas. Je l'ai trouvé vraiment. Le gamin était pas convaincu par le rôle, quoi. J'avais pas l'impression. Ils ont juste casté des amateurs. Oui, quoi, mais ça se voit, hein. Moi, je crois que c'est une mauvaise idée. Oui, mais de toute façon, être doubleur, c'est un métier. Donc, voilà. Être comédien. Ça se ressent énormément. Après, sur les autres, il y a aucun souci, hein, parce que ça se sent que c'est de véritables acteurs. Enfin, il y a peut-être deux ou trois inconnus dans le lot qui ont doublé les frères et sœurs de Arlo, Mais du coup, voilà, moi j'ai pas trop été convaincu par la voix d'Arlo en français. Il faudra sûrement que je vois la prochaine fois que je le verrai en anglais et je verrai si ça a changé. Après, au niveau du scénario, c'est comme on l'a dit, c'est simpliste, mais c'est le souci, c'est qu'il y avait 5 personnes sur le scénario, comme je l'ai dit, et ça se ressent énormément. Ça se ressent parce que on a l'impression qu'ils vont pas au fond de ce qu'ils veulent dire et qu'ils passent vite sur autre chose à chaque fois qu'ils évoquent quelque chose. À chaque fois qu'ils évoquent quelque chose d'intéressant, en fait, ils passent par exemple sur la famille. Ils l'évoquent pendant 5 minutes. C'était une scène magnifique, hein, mais je trouve qu'ils vont très vite et qu'ils approfondissent pas trop. Et ça, à mon avis, c'est à cause du changement de scénariste, des problèmes de production. À un moment, je crois qu'ils ont dû tout refaire au niveau des animations et du scénario aussi. Donc voilà, ça n'a pas aidé. Donc c'était une petite déception pour un Pixar, comme je l'ai dit, mais c'est pas non plus un mauvais film. Hein. Après j'ai un peu tout dit dans ce que j'avais dans mes notes. J'ai un peu tout dit et la musique est très bonne. Franchement, c'est ça fait penser à, ouais, comme t'as dit, à du tribal, enfin de la musique. Vraiment primitive, ouais. Primitive, voilà ce que je cherchais. Puis en même temps, t'as des grandes envolées lyriques, ça s'accorde, ouais, bien. Ouais. Avec l'utilisation énorme de cordes, d'instruments à cordes, surtout, je pense que c'était la guitare. C'est ça, c'est un film qui se passe à la préhistoire et c'est pas que des tam-tams ou que des percus. Mm-hmm. Quoi, voilà, donc, c'est ça. Ouais. Ouais, donc voilà, moi j'ai apprécié, j'étais un peu déçu parce que c'est Pixar, voilà, mais ce sera pas dans mon top, ce sera pas dans mon flop, ce sera pas dans mes déceptions. C'est un film que j'ai regardé, que j'ai apprécié, que je reverrai avec plaisir, et voilà, c'est tout. Quelqu'un a quelque chose à rajouter ou on peut passer à quelque chose de plus déplaisant? Mais bon, Morgane, sans rancune, hein, c'est juste que là, je comprends pas. J'espère que tu l'as pas mal pris ou... Non, pas du tout, non, mais il sera dans mon flop. mais c'est vrai que là, je pense qu'on se comprend pas du tout. Ouais. Tu en pensais que ce serait sur Night of Cups On va encore se comprendre moins avec le prochain film. Oui, mais c'est grave. je vous préviens. Donc, on va passer à la recommandation pas très recommandable. The mark when he made Pearl Harbor. I miss you more than that movie missed the point. And that's an awful lot, girl. And now you've gone away. And all I'm trying to say is Pearl Harbor sucked. And I miss you. On est donc à la dernière rubrique de ce podcast qui fut assez long. Mais, alors qu'il n'y avait pas beaucoup de films. Ouais, pourtant on a quand même réussi à discuter sur ces films assez longtemps. Malgré une petite fatigue en fin d'enregistrement, avouons-le. Oui, oui, on va l'avouer, hein, parce que là il se fait un peu tard. Mais on va finir sur un truc un peu moins plaisant que les autres films. Donc Morgan nous avait proposé il y a 2 mois le film La Boîte. Donc Claude, il dit, ce qui est assez étonnant parce qu'il avait fait plutôt du bon film. Il y a Loulagan. Non, mais la totale pour moi, c'est son meilleur film. Bon, c'est pas ouf. Il y a à boire et à manger dans ce film. Ouais, voilà, les Loulagan, ça c'est bien. Hein. C'est la totale, c'est bon. Voilà. Ah, c'est pas bien. C'est moins bien. Voilà, mais. Banzai. Coluche, c'est bien. C'est blasé. Non, voilà. C'est vrai qu'il y a des scènes drôles dans Banzai. Oui. Des soudouis. Michel. Non, Michel. Bon, ouais, on va pas parler. Voilà. On n'est pas là pour parler de la filmographie de Claude Zidi. Hein. Oui. On est là pour parler de son film le plus fameux, celui dont on a entendu parler. Grâce à Morgane, parce que moi je le connaissais voilà. pas. Bah, moi non plus. Donc, c'est La Boîte qui est sortie le 4 juillet 2001 en France. Mais il est sorti qu'en France. The Box. Ouais, parce que The Box, c'est pas la même chose. Oui, c'est pas The Box avec Cameron Diaz, qui est un bon film. Mais donc on retrouve au casting Quentin Bayo, Jean-Marie Bigard, Jean-Christophe Bouvet, Gérald Dahan, Armel Deutsch. Armel Deutsch. Gérald Dahan. Deutsch. Ouais. Gérald Dahan. Gérald. Ouais, Gérald Dahan. Oui. Guy Marchand, André Ferréol. Guy Marchand. Génial, Guy Marchand. Eh, Guy Marchand, oh, non, il est super. Mais moi, ça m'a fait de la peine de le voir là-dedans. Ouais, elle est sous-douée 2. Bah, lui, c'est de la merde, mais Destiné, c'est une super chanson. Les arguments. Non, mais honnêtement, recommandation pas très recommandable. Je précise que j'aime beaucoup ce film. Oui. C'est pas un plaisir coupable. C'est une vraie comédie qui me fait marrer. Hein. Donc on va peut-être rappeler le synopsis rapidement. Donc, 5 amis d'enfance qui habitent une petite ville de province se sont fait exclure de la seule boîte de nuit de la région, se sentant désœuvrés bien sûr parce qu'ils sont c'est fou quoi, ils peuvent pas aller en boîte. Ils projettent d'ouvrir une boîte de nuit concurrente dans le garage du père de Guy Marchand. Le père qui est Guy Marchand. Et donc, malheureusement, le propriétaire, Jean-Marie Bigard, de la seule boîte de nuit de la région, va tout faire pour faire fermer ses concurrents. Oui. Alors déjà, ça a l'air palpitant comme ça, quand on l'entend. Ça pourrait être le pitch d'un... ça n'a rien d'un Scorsese, hein. Alors là, je vous... Ça n'a rien à voir avec Casino et compagnie, hein. Non, mais c'est vrai que t'as des pitchs hollywoodiens qui sont à peu près... Et après, il me dit qu'il faut comparer Arlo avec ses comparables. C'est un peu ça, hein, mais... Et après, il me dit qu'il faut comparer Arlo avec ses comparables. Là, tu démolis le film en disant que c'est pas du Scorsese. Mais what? Alors là, Eddie, t'es de mauvaise foi. Alors là, t'es pris en flag. Non, et Axel, tu comprends pas. Non, je faisais juste le parallèle avec le fait que ce genre de truc de patron de boîte machin, ouais, qui veulent faire fermer l'établissement de l'autre, c'est le genre de truc que tu peux retrouver dans d'autres films. Qui sont mieux amenés, et ça m'a fait penser à Casino de Scorsese. Je préfère cet argument. Où tu as un peu cette bataille entre patron. Voilà. Mais c'est pour tout d'abord dire que la boîte n'a rien d'un Scorsese. Mmh. Oui. D'accord. Oui. Donc, pour parler de ce film que j'ai vu cet après-midi, est-ce que tu veux peut-être d'abord en parler, Eddie, parce que c'est... Ah, mais avec grande joie. Ouais, c'est sûr que t'es excité à l'idée de parler de ce film. Alors, moi déjà, dans la première note que j'ai mise, je vais vous la lire, hein, ce sera mieux, ouais. J'ai mis film beauf et film de beauf. Mais non, mais arrêtez, je me sens insulté, mais arrêtez avec cet argument film de beauf. Ça veut dire film de beauf? Non, Morgan, c'est pas un beauf, mais je pense que tu as la capacité à laisser sortir le beauf qui est en toi. Voilà. Mais ça veut dire quoi? Peut-être les soirs de pleine lune ou de je sais pas. Mais on dit la même chose de babysitting. Mais ça veut dire quoi, film de beauf? Film de beauf, c'est un film où les nanas ne sont que des seins sur pattes, où les hommes, à part les blagues de cul, ils connaissent pas, ou les blagues sexistes, hein, évidemment, où évidemment les homos sont plus proches de la femme que de l'homme. Enfin, tu vois, c'est des trucs... La cage aux folles, c'est un film de beauf? Non. Parce que là, c'est différent. C'est amené de manière plus subtile. On est dans autre chose. Mais là, franchement, là, non, c'est pas possible. Je reconnais qu'en matière d'humour, je vais. On parle d'homo. Je vais enculer les mouches. J'aime pas le terme film de beauf. Je préfère dire film à l'humour très gras. C'est un humour gras, mais vraiment. J'ai dit film de beauf. J'ai pas dit film pour beauf. Ah. Eh oui. Ah si, tu l'as dit. T'as dit. Non, j'ai dit film beauf et film de beauf. Non, t'as dit pour les beaufs. On réécoutera. Bon, tant pis. Mais j'ai dit, c'est film de beauf. C'est tant pour moi. Mais c'est pas un film pour les beaufs. Enfin, quoi que. Voilà, c'est pour ça que je m'étais indigné, je me suis pas insulté là. Non. Mais en tout cas, c'est un film de beauf, ça c'est sûr et certain. Oui, Oui. Hein, l'humour est... C'est graveleux, c'est en dessous de la ceinture au niveau des gags. C'est... La comédie grasse, oh, oui. Le pitch à la con, le... Enfin, c'est... C'est vraiment pour mon genre de film. Je suis désolé, mais... je peux faire des efforts sur plein de choses, mais là, non. Mm. Puis les acteurs caricaturaux, quoi. Ah mais oui, c'est du cliché. Les acteurs caricaturaux pour un film qui quand même cherche pas vraiment à l'être. Hein. Tu sens que il s'amuse à faire son truc de bataille de boîte de nuit là, mais il se c'est pas qu'il se prend au sérieux, mais voilà, on y croit quand même un petit peu. Donc ouais. Moi ça me gêne quoi. C'est je trouve voilà, tu quand tu enfin il y a un moment tu es conscient que tu fais de la merde. Quoi. Non, enfin, je sais pas, vous êtes pas d'accord avec moi, mais. Bah, non, j'aime bien le film, moi. Ah, si, je sais pas, tu, je veux dire, tu t'étonnes pas de percevoir un César parce que tu, enfin, vraiment, plus quoi qu'encore, parce que ah, mais non, donner mais... un ah, Louane, alors. Non, mais tu t'étonnes de percevoir tu t'étonnes pas de percevoir un prix parce que, en réalisant la boîte, quoi. Ah, non, mais je pense pas que le film a été, pour moi, c'est une petite comédie sans prétention, il n'y a pas d'acteur connu, hein, Guy Marchand, c'est pas non plus, bah, au contraire, Pink Guillard, bon, voilà. Non, c'est sans prétention comme truc. J'aurais trouvé ça beaucoup plus prétentieux de prendre Christian Clavier, prendre des acteurs montants, Jamel Debbouze, il aurait très bien pu être dans le film. Hein. Tout ouais. Ça, là ouais, j'aurais trouvé ça un peu comédie, on va dire commerciale. Moi, je trouve que bon, mais après on rit pas forcément, mais je trouve que moi ça me fait marrer, mais je trouve que le film n'est pas à blâmer parce que je le trouve très modeste en fait. Que ouais, je sais pas si t'as fini Eddie. Il est pas modeste dans sa connerie, hein, quand même. Oui, non, mais Guy Marchand est génial. Avec son fusil, 1, 2, 3, ça m'a fait marrer. Je sais pas, j'aime, non, mais j'aime vraiment. C'est... Non, mais attends, on dit pas le. Mais t'as le droit d'aimer de la merde. Oui, non, mais attendez, vous imaginez ma réputation. Je n'aime pas le film de Thérèse Malick. Je n'aime pas le dernier Pixar. Je n'aime pas Spectre. J'aime bien Hunger Games et j'aime la boîte. J'avais fait un sans faute cette année. Dans l'avant-dernier podcast, je me foire. Ouais. Ah, c'est tout le rideau ouais, tombe. Ouais, c'est ça. Donc du coup moi je l'ai vu cet après-midi, je peux vous dire que c'était une séance bon c'était pas aussi horrible que Spawn et Dragon Ball hein, faut pas exagérer non plus hein, c'est pas Spawn oui, c'est vrai qu'entre la peste et le choléra je prends non je pense que toi t'as eu la chance de pas voir Dragon Ball hein, parce que c'était encore pire que Spawn. Le fou rire d'Armel Dodge dans le film, du coup ben quand j'ai vu le film j'ai cru que ça s'appelait Cliché le film oui. Parce que il est horrible dans son, enfin, dans sa mise en scène, dans son propos surtout. Il est raciste, bien sûr. Le black est boueur, l'arabe vole. Enfin, il y a que ça. Il est misogyne. Alors à un point, il y a même plus de, il y a même plus de level là. Et puis en plus, les filles sont contentes du regard que les hommes portent sur elles. C'est ça qui. Voilà, c'est insupportable. Oui, et attends, on oublie peut-être un peu, même si bon, j'avoue, c'est un peu, on peut dire homophobe alors, on peut pousser le truc. Que non, l'homosexuel c'est du film devient hétéro en voyant Armel Dutch. Donc c'est un peu de ça. Ouais, mais bon, non, mais bon, non, mais. Oui. Je trouve plus misogyne qu'homophobe. Oui, hein, oui. Donc voilà, les séquences chantées. C'est mais c'est juste ah ouais ça. Ouais c'est insupportable ça y est c'est, ça y est ça y est on est tous non. Actionnaires non. Oui ah ouais non mais il y en a trois séquences de chant dans ce film dont une rappée. Non mais même Les Misérables c'était moins chiant ouais en même temps c'est normal oui les acteurs sont vraiment pas convaincants ils ont pas j'ai pas l'impression qu'ils sont contents d'être là mais en même temps c'est un peu normal ils sont venus chercher leur chèque sûrement et puis faire un truc qui est vraiment pas terrible. Gérald Dahan bien sûr le geek et puceau enfin tu sais enfin le geek le genre de qui est un peu coincé oh, qui est un peu c'est génial. Ah, super. Et l'autre qui tombe, et ouais, bien sûr. Enfin, c'est con à un point, mais c'est même pas marrant. Babysitting. Mais c'est ça parfois, en fait, je pense c'est... que le problème, c'est que c'est tellement cliché, tellement crétin que du coup, c'est. Mais dans les répliques, ça va. Moi, enfin, après, je reconnais, il y a forcément, peut-être, quand j'ai réfléchi, un plaisir coupable s'installe, mais moi, quand t'as Bigard qui dit, toi, t'es le croisement d'un spermatozoïde connard et d'une ovule de pute, ça me fait marrer, parce que c'est Bigard, parce qu'il est vraiment là où on l'attend, Bigard, il est un peu comme ça. Donc, je sais pas, mais je comprends totalement, mais je pense que l'humour, c'est très, très, il y a rien de plus subjectif, j'ai horreur de cet argument, c'est bien l'ego et les couleurs, en matière d'humour, je crois qu'on peut pas faire, il y en a qui rient à des les goûts et les couleurs. Toi, tu n'aimes pas, mais n'en dégoûte pas les autres. Alors, ah oui, non, mais alors là, vous sortir, pouvez... Non, mais attendez, moi, je, tout le monde, tous ceux qui ont vu la boîte détestent ce film. Hein. Je suis quand même très seul sur le compte. Si un petit appel aux auditeurs, si vous avez aimé la boîte, ou si vous n'avez pas aimé, mais si vous avez aimé, cas plus rare peut-être, écrivez dans les commentaires parce qu'on sera content de savoir si vous avez aimé ce film. On va ouvrir un crowdfunding pour soutenir Morgane. Donnez-lui de l'argent si vous voulez. Ouais, sur ton moment j'en ai bien besoin. J'ai fait une commande Amazon, là ça m'a coûté cher. Donc, de la thune, je veux. Ouais. Et voilà, je trouve le message du film vraiment pas bien. Ils ont fait une boîte, ça a loupé. Après, il y avait un tableau de chercher des messages et tout là-dedans, mais c'est vrai que moi c'est enfin honnêtement, ça va faire hyper prétentieux ce que je dis, mais moi j'ai enfin c'est plus ce que j'attends en fait c'est plus ce que j'attends du cinéma quoi. Ah oui, non mais après, il y a le côté, je l'ai vu, j'avais 10 ans, hein, c'est mon père qui m'a dit en 10 ans. Mon père m'a montré le film, je me souviens. Il a fait des choses bien dans sa vie. Et disons que, non, il y a un côté, disons que j'étais ton pas. Ton père, il t'a montré ça. Si je l'avais vu là, j'aurais clairement, été gêné, effectivement, par le propos raciste. C'est vraiment gênant. Homophobe. Honnêtement, le problème, c'est que quand j'étais petit, ça me faisait marrer, vu que j'avais pas du tout conscience de tout ça, et que je suis resté avec les répliques. Moi, Guy Marchand, ça reste le gros beauf, effectivement, qui couche avec sa femme, alors que ses deux enfants sont sous le lit. Mais les deux enfants, c'est pas possible. Les deux enfants, ils essayent de voir à chaque fois... ou dans les toilettes ou oui, puis c'est malsain, les deux enfants sont en train de s'extasier devant une stripteaseuse, ils se rendent compte que c'est leur mère. Enfin, c'est... Oui, non, mais c'est gênant. C'est gênant, c'est mais gênant. Tu vois, quand j'étais petit, il y avait le côté ah ouais, c'est drôle, en fait, c'est leur maman. Mais alors qu'aujourd'hui, je regarde ça, je me dis, mais je l'ai pas revu. Enfin, ça, c'est un moment où je l'ai pas revu. Et je l'ai en DVD, en fait. Je l'avais acheté en DVD sur CD Sprint à 1,95€. Ouais, bon. Je sais pas si ça vaut le prix. C'est déjà beaucoup trop cher. Même en streaming, c'était trop cher, alors. du coup, en plus, j'ai eu du mal à le trouver. Oui, j'ai... il est introuvable, je vous le compte d'ailleurs. En streaming, c'était assez dur. J'ai dû m'inscrire sur un site obscur pour pouvoir le trouver. Mais vous avez vu tout ce qu'on est obligé d'endurer et de faire pour pouvoir podcaster sur Movies. Voilà. Bon, on aura pire. Bon, je pense que je pense qu'on a assez parlé de la boîte. On va peut-être enfin passer à ce qui nous intéresse le plus. Enfin, moi, en tout cas. Ouais. Alors, je suis moins méchant que Morgane. Bon, je sais que c'était pas des mauvaises intentions. Ben tu pensais qu'on allait rire sur le film, mais c'était vraiment pas le cas. Ben, moi, je vais vous proposer un film qui est pas si mauvais que ça. Enfin, c'est pas non plus le film de l'année. Donc, c'est un film qui est sorti le 15 juin 2007. C'est un film 2007 américain. 2007, pardon. Non, il... c'est un film d'Andrew Fleming avec Emma Roberts, Rachel Leitz et Max Thiroux. Et c'est, je pense que vous ne l'avez pas vu, hein, ça je suis quasiment sûr, ça s'appelle Nancy Drew. C'est un film sur une jeune détective puritaine américaine qui va à Los Angeles pour résoudre des mystères. Voilà. Donc c'est un peu l'Amérique puritaine rencontre Scooby-Doo et il y a plein de trucs. Je suis sûr que ça enfin là sur ce coup-là, je suis pas sûr que ça va te plaire, Eddie, mais je suis désolé. Je suis en train de lire le synopsis. Oui, donc tu peux donc c'est adapté de romans qui sont très connus aux États-Unis. Oui, Nancy Drew, ça me. Et là-bas, bah, enfin... De toute façon, j'ai qu'un éclaireur sur Sens Critique qui a vu le film, il a mis 2, mais je vous laisse deviner qui c'est. C'est votre serviteur. Et donc voilà, c'est vraiment complètement con. Vous regardez la bande-annonce, ça a l'air d'être une parodie, mais en fait ça n'en est pas. Vous regardez le film, ça a l'air d'être une parodie, mais en fait ça n'en est pas. Donc voilà, c'est un film voilà, c'est moyen, c'est enfin pour un 2, c'est quand même pas moyen, mais c'est c'est un peu plus sympa que la boîte, hein. C'est... Ouais, je veux trop le voir, moi j'aime bien l'affiche. Donc voilà, ouais. Ce sera votre film à voir. Et Quentin, si tu es là le mois prochain, tu n'y échapperas pas. Si tu es là, ça fait 2-3 fois hein, qu'il évite les... Ouais, on comprend les petites techniques. Hein. Il vient pour dire bah, regardez Dragon Ball, et puis c'est moi qui regarde. donc voilà, je vous souhaite un bon film, et puis si vous l'avez déjà vu dans les commentaires, vous pouvez le dire, et si vous l'infligez pour subir avec les... je sais pas pourquoi vous ferez ça, mais pourquoi pas, n'hésitez pas à le dire, et nous on va passer à la fin de l'émission, enfin. On est donc à la fin de cette émission qui fut assez longue. On a parlé finalement, comme j'ai dit, de pas beaucoup de films, mais on a parlé beaucoup. Donc voilà, merci encore d'avoir écouté. Merci à vous deux d'avoir participé, comme d'habitude. C'est toujours un plaisir de faire ce podcast avec vous. Et merci de votre fidélité aussi, surtout. Oui, moi aussi. Et puis, vous pouvez nous retrouver toutes les critiques et tous les podcasts sur moviesnerd.net. Vous pouvez retrouver le site sur, sur Facebook, sur Twitter et sur Google+, à MoviesNerd. Vous tapez MoviesNerd. Et sinon, on va passer à Morgane. Moi, on peut me retrouver sur Twitter. Pardon, je suis désolé. On peut me retrouver donc sur Twitter. On a eu un fou rire. On ne vous expliquera pas pourquoi il y a des choses privées. Donc, on hâte Ciné Morgan. Je viens de dépasser la barre des 1000. J'ai 1222 abonnés. Je suis assez content. Et sur votre caster, pareil, Ciné Magic. D'accord. Eddy. Donc, moi, pas votre caster, hein, ça se critique. Donc, Istar, sur MovieSnerd, pareil. Et sur Twitter, pareil. Et sur Facebook, pareil. Beaucoup plus pratique. Ouais. Donc, moi, c'est sur Sens Critique, sur MovieSnerd et sur Twitter. Ou c'est TheLexal. J'adore. Oh là là. je vais pas me corriger à chaque fois. Voilà, je pense que c'est tout. Merci encore d'avoir écouté. Et on se retrouve le mois prochain pour le dernier podcast de l'année. Ouais. Avant les tops, on vous prépare l'émission des tops pour on va vous teaser pour les mois de janvier. Tops parce que ça va être quelque chose, je le sens. Ah oui. Ouais. Ouais, ça risque d'être quelque chose. Et puis vous l'aurez pendant tout le mois de janvier, je pense. Voilà. Merci encore et à la prochaine. Ciao. Salut. Cool, he's the best. He keeps alive with this Colt 45. Who's the guy who's riding to town in the prairie sun? You won't bother to fool him around. When you've seen him, you're a gone boy. When you've seen him, you're just gone.